Crosby derrière Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. That's like, here's a shot. Henderson made a wild stab worth spell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson has scored for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand même le retour. Et le but. C'est long et c'est carré. Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le rouge et or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, une émission qui vous parle de sport d'un peu partout sur la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin messieurs. Bon matin. Bon matin Philippe. Hola. Hola, hola. Bon ça matin va bien Philippe ce matin. Oh, ça écoute, va très bien. Écoute, hein? écoute. M'a dire. Je suis heureux. Et si vous étiez en studio, si on avait une webcam, on pourrait vous montrer ça. Ce n'est pas le cas. Vous ne verrez rien. Philippe est d'un chic monumental ce matin. Si vous passez à côté de nos studios, il y a une fenêtre d'une chemise noire, cravate blanche, attitude rasée. Non, pas peur. T'es beau. C'est gentil. J'avais même un veston qui venait avec ça, mais un peu fripé. On a manqué de temps ce matin pour le défriper, donc pas de veston. J'avais même un petit écusson du Canadien. Ça aurait été... un ensemble complet. Pas une petite pin? Oui, une petite pin. Une petite pin. Ah, ouais. Ben, écoute, parler du Canadien, c'est bien évident qu'on va en parler aujourd'hui. Jonathan Bernier. Bon, Jonathan qui est présentement couvre la série Pittsburgh Tampa Bay, donc on va le rejoindre à Pittsburgh. Mais. Ça aussi, c'est très bon. Donc, on va le rejoindre à Pittsburgh, mais il va pouvoir nous parler aussi du Canadien de Montréal, bien sûr. Puis, de toute façon, avec ce qu'on. Je pense qu'on a tous écouté le match hier, donc on va pouvoir en parler en masse. On parle basketball, NBA, les séries qui arrivent, là. Donc, on va en discuter un petit peu. On a plusieurs nouvelles. On va parler aussi avec JP Grenier de baseball. Sérieusement, il y a beaucoup de nouvelles aujourd'hui, mais rien pour faire 20 minutes. Donc, on va... Ça va être en rafale. C'est une émission en rafale ce matin. Là, on va passer sujet après sujet. Mais bien sûr, on va parler des cataractes de Shawinigan, les séries de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice. On parle de ça après la chanson qu'on va aller écouter. On y va avec un groupe qui s'appelle Jésus, les filles. Et la chanson, ça s'intitule J'ai été dans la thématique sportive d'émission, mon chandail de golfeur. Ah, ben, c'est bien. Mon chandail de golfeur. Ouais, petit polo. Donc, vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ordres de C'est fou. Ça vous tente de nous communiquer, nous écrire live à commercial inconduitedepartie.com et notre site web inconduitedepartie.com. C'était Jésus les filles avec la chanson mon chandail de golfeur. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de CIFO. On discute maintenant hockey junior. Jonathan Robert va joindre à nous dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, ben, allons-y avec le sommaire ou du moins ce qui s'est passé dans les deux matchs contre les Remparts de Québec cette semaine. C'était mardi et mercredi du côté du Centre Bienes. On le sait, à ce moment-là, les Cataractes perdent la série 2-0, deux défaites contre Québec. Ça n'a pas été facile dans les deux matchs. On le sait, la force explosive des Remparts fait que c'est une équipe qui est difficile à affronter et de ce que j'ai vu, bon, j'étais au premier match à Québec, je n'ai malheureusement pas pu me rendre pour le deuxième match. D'un bout à l'autre, de toutes les facettes, ça a été dominé par les Remparts le vendredi. C'était mieux le samedi du côté des Cataractes, mais on avait tout de même perdu le match. Et bon, mardi, là, du côté de Centre Bienes, on se devait d'aller chercher une victoire. C'était le match de l'année. On peut pas tomber 3-0 puis espérer remonter ça contre une équipe, contre les Remparts. Et c'est toutefois Québec qui a ouvert la marque, Olivier Hince. Mais Shawinigan a répliqué du bâton de Michael Bournival pour faire 1-1 à 7 minutes 49. Plus tard, en première période, deux buts de Québec. Jonathan Audimarchessault. OK, en passant, Audimarchessault, là. Ouais. Je vous donne sa fiche après le match, ce match et le match d'hier, pas d'hier, plutôt de mercredi. Il détient présentement 22 points en 8 matchs éliminatoires. Je peux pas croire que ce gars-là est pas repêché dans la Ligue nationale, même s'il mesure 5 pieds 9. 5 pieds 9, 175 livres avec des patins. Donc, oui, c'est pas un gros physique, mais c'est une bombe offensive. Mais bon, il est pas le premier qui passe là. Et après Audi Marchessault, c'est Thomas Philippi qui, donc met le score, fait le score 3-1 en faveur des Remparts. Pas de but en deuxième période. Ça regarde mal pour Shawinigan. On l'a dit, si on a de la misère à compter des buts, on a eu de la misère à compter des buts à Québec. C'est difficile aussi du côté du Centre Bienes, mais l'explosion, la troisième période de rêve pour les Shawiganais. Sans réplique à 34 secondes, Maximilien Le Sieur, suivi de Dave Labrec à 4,28, Mathieu Gagnon à 10,29, Loïc Poudrier à 12,44 et finalement Peter Sakaris, son deuxième des séries, à 14,27. Ça donne une victoire de 6-3 pour les Shawiganais, pour les Cataractes. Et disons-le, quelle performance, là. Une explosion en troisième période. On s'attendait pas nécessairement à ça. Je suis pas mal sûr que les visages étaient un peu bas dans le Centre Bienes qui était à pleine capacité. Mais heureusement, grosse performance en troisième période. Les étoiles dans ce match, Dave Labrec, Alex Dubo. Oui, Gabriel Girard a été remplacé après le troisième but des Remparts. Alex Dubo qui s'amène. Parfait, 19 arrêts, 19 tirs. Donc, deuxième étoile. Et Michael Bournival qui récolte la troisième étoile. 2-1 dans la série, on peut se permettre d'espérer. On se dit le lendemain, on se doit de faire une grosse performance contre les Remparts encore. Encore un Centre Bienes plein. Beaucoup d'ambiance, 4175 personnes, là, beaucoup d'ambiance au Centre Bienes. J'entends souvent parler, écoutez-moi, j'étais pas dans la région, j'ai pas connu les folles odyssées de l'aréna Jacques Plante. Ce qui a pu se dérouler, on me disait que c'était l'aréna le plus intimidant de la Ligue nationale, pas de la Ligue nationale, mais de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Centre Bienes plus grand, plus spacieux, plus confortable aussi, les gens sont un petit peu moins excités. D'ailleurs, le confrère Steve Turcotte du Nouvelliste en a profité dans ses textes pour mettre le feu aux poudres avant le premier match pour essayer de motiver les gens à regarder, ce serait le temps qu'on se lève puis qu'on encourage. Il y a même plus les Tomahawks, il y en a quasiment plus des Tomahawks là. Avant, les gens vargeaient là-dessus comme si il c'était... Il manque l'Indien. C'est la magie de l'Indien, je te dis, moi. Parlant de magie... Il n'y a pas eu de magie dans le quatrième match, par contre, là, du côté des Cataractes. Ben, écoutez, c'était 1-1 après la première période, après la deuxième période même, début de Jonathan Audimarchessault, encore lui, et Anton Zlobin. Du côté de Zlobin, un but un peu chanceux. On a manqué notre tir un petit peu, le bâton a touché le tir, le rondel s'est tout de même faufilé entre les jambières de Louis Domingue. Et on l'avait dit, bon, Louis Domingue, les matchs qu'il allait jouer, les Remparts allaient l'emporter, les matchs qu'il allait pas bien performer, ça pourrait aller du côté des Cataractes. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé dans le troisième match. Domingue a été substitué en faveur de Jimmy Appleby, l'ancien des Estacades de Trois-Rivières. Et donc, en troisième période, eh bien, il y avait 10 minutes de fête à la troisième période. On se permettait d'espérer. On se dit du côté des Cataractes, regarde, on a juste à en mettre un but, puis ça va être fait. Boum, l'explosion là du côté des Remparts. 4 buts sans réplique. Jonathan Audimarchessault, comme je disais, tantôt, son deuxième du match, son neuvième des séries. Frédéric Roy, Mirko Hoffman et Alexandre Grenier. 4 buts, le dernier dans un filet désert. Il restait 6 minutes, puis Éric Veilleur tirait son gardien de but. Donc, on était un peu désespérés à 4-1. Ça n'a pas marché, donc victoire de 5-1. Des Remparts de Québec. Frédéric Roy, là, qui vraiment là très bon pour allumer le feu en dessous des joueurs des Cataractes. Les a dérangés tout au long du match. Mathieu Bercy qui a essayé d'aller le visiter, il a pas été le seul, mais vraiment jette pas les gants. Et en plus contre ça, c'est énervant au plus possible. D'ailleurs, très difficile match là pour Dominic Schlumpf, Peter Sakaris, Benjamin Cazavant, Dave Labrecque et Jonathan Racine. Moins 4 et même moins 5 pour Schlumpf. Racine qui a commis quelques bévues défensives, vraiment. On n'a pas grand-chose à reprocher à Gabriel Girard. Il n'a pas connu un mauvais match. Les Cataractes ont connu une très mauvaise... ont joué 50 minutes sur 60. Mais Girard, écoutez, a été laissé seul à lui-même. Et c'est ce qui est... c'est la cause de cette défaite des Cataractes. Donc, on va aller écouter les commentaires de l'entraîneur-chef des Cataractes, Éric Veilleux, après cette partie. Éric, les revirements en troisième, ça fait mal? Oui, je pense que le numéro 2, le numéro 3, je pense que c'est un peu... c'est ça qui est arrivé. Puis c'est dommage, je pense que Gabriel joue un bon match. Là, puis je pense qu'il a été laissé à lui-même un petit peu là, en troisième période. C'est dommage un petit peu pour tout le monde, là, mais garde. Y a-tu moyen de recrinquer les gars, Éric, pour le cinquième match? Alors, c'est certain qu'aujourd'hui, après le match, c'est difficile de les pomper. Je pense pas que c'est le temps non plus. T'sais, je pense que tout le monde est déçu de la tournure des événements aujourd'hui. C'est un petit peu l'inverse de ce qui est arrivé hier. Hier, en troisième période, on était en feu. Aujourd'hui, c'est eux. Sauf que, garde, en gros, je pense qu'on a joué un gros match. On sait qu'on est capable de tenir cette équipe-là. Et puis, garde, qu'on gagne le match aujourd'hui, qu'on gagne celui vendredi. L'important pour nous autres présentement, c'est de revenir ici pour jouer un bon match numéro 6 à la maison. Étais-tu content du match de l'équipe après 40 minutes? Non, honnêtement, garde, ça allait bien. C'est certain qu'on n'a pas ouvert le jeu comme on l'a fait hier. Là, on aurait dit que les défenseurs, hier, on a créé beaucoup de chances de marquer en les envoyant de l'avant dans la zone offensive. On dirait aujourd'hui, ils étaient peut-être hésitants là, vu le pointage. Même si on leur disait, on aurait dit qu'ils voulaient pas y aller. Là. Donc, garde, on va se trouver une façon de s'en sortir. Et on se trouve une façon de s'en sortir. Je pense que j'ai même ma prédiction pour le match de ce soir là du côté de Québec. Même si on espère trouver une façon de s'en sortir, je pense que ça va être difficile. Non. Les Remparts sont une formation vraiment excellente. Pas que les Cataractes sont pas bons, pas qu'ils ont pas de talent, mais il manque la petite coche que ce club-là va avoir l'an prochain. Ouais. On suit là-dessus, c'est tout simplement ça qui manque. De l'expérience, c'est une équipe qui est encore jeune. Seulement deux joueurs de 20 ans, ça paraît un peu en série. Alors écoutez maintenant les commentaires de Patrick Roy après cette partie. Y a-t-il eu un déclic, Patrick, entre la deuxième et la troisième période dans la chambre pour expliquer ça, cette poussée-là en troisième? Non, on a joué de la même manière les trois périodes. Je pense que c'est juste une question là, qu'à un moment donné, à force de pousser, puis je pense qu'eux ont commencé à manquer peut-être un petit peu de gaz, puis ça nous a été profitable en troisième période. Dans le fond, peux-tu dire mission accomplie? Venez chercher un match ici, les Cataractes vont faire face à l'Université. Sur... Bon, mission accomplie. Écoute, quand tu mènes 3-1 après deux périodes, puis le type de hockey qu'on a joué tout au long de la saison en troisième période, c'est sûr qu'on était déçus d'avoir échappé ce match. Match, là, mais quelqu'un m'aurait dit là, qu'on aurait partagé, on aurait égalisé la série 1-1 sur la route. On l'aurait pris, ça, il n'y a aucun doute, parce que les Cataractes jouent du très, très bon hockey à domicile. C'est une très bonne équipe, puis c'est une équipe qui est bien bâtie pour nous représenter à la Coupe Memorial l'année prochaine. Demain, elle a bien répondu ce soir? C'est sûr que tu as toujours hâte de voir comment ton gardien de but va bondir là, après là, une troisième période comme celle-là. Par contre, je dois avouer, effectivement, il a très, très bien joué. Mais... une chose qui est claire, c'est quand on joue comme on l'a fait devant lui, on donne les chances plus sur l'extérieur, puis quand on en donne dans l'intérieur, bien, ce soir, il a fait les arrêts importants pour nous. Exactement, comme je disais tantôt, Louis Domingue qui a connu une bonne performance, c'est tout un cas de stabilité dans son dossier pour Louis Domingue, et cette fois-ci, très, très bon. Dernière entrevue, allons écouter Gabriel Girard, le gardien des Cataractes de Shawinigan, qui nous parle, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vendredi, si on veut l'emporter. Content de ton match avec ce qui s'est passé hier. Éric, t'as fait confiance, t'as donné le filet. Ça a quand même bien été là, en troisième, les revirements, ça pleuvait. Je pense que ça a quand même bien été. J'ai essayé de faire mon possible pour tenir l'équipe dans le match, mais en troisième, ils ont eu le dessus sur nous. Qu'est-ce que l'équipe doit changer pour espérer gagner au Colisée vendredi? Jouer comme on a joué les 40 premières minutes puis la game d'hier, je pense qu'on a été intense tout le match. Contre une équipe comme ça, on peut pas se permettre de jouer sur 40 minutes. Faut jouer un match complet puis intense. Alors, c'était Gabriel Girard là, qui nous disait quoi faire si on veut l'emporter. La question avait été posée par Jonathan Roberge de l'Hebdo du Saint-Maurice, à qui on parle directement présentement. Ça va bien, Jonathan? Bien, Nicolas. Ça va? Toujours, numéro toujours, toujours. On parlait avant d'entendre Gabriel. Qu'est-ce que les chances qu'ont les Cataractes de l'emporter ce soir à Québec devant la grosse foule québécoise? Avec bon, on doit se remonter d'une performance qui, on a joué 50 minutes, le dernier 10 minutes, beaucoup de revirements, beaucoup de mauvais jeux en défensive qui ont mené à ce que Gabriel Girard avait l'air d'un poisson sorti de l'eau, c'est-à-dire savait plus exactement où donner de la tête. D'après toi, c'est quoi la recette ce soir si on veut l'emporter? Ben, je pense que les clés sont assez simples. Premièrement, ça va être de se présenter durant 60 minutes, mais également d'avoir une attaque massive qui va payer pour une fois, parce que c'est vraiment le problème des Cataractes depuis le début de cette série-là, c'est que l'avantage numérique ne fonctionne pas. C'est ce qui les a tués l'an dernier face au Tigre de Victoriaville, et c'est ce qui est encore en train de les tuer cette année contre les Remparts de Québec. Vraiment, c'est le point de salut dans un match. Ça peut être tout un revirement quand même. Un avantage numérique qui est converti, c'est un gros but qui va donner un boost, pour reprendre les mots d'Éric Veilleux. Et puis, c'est ce que les Remparts font soir après soir, et que les Cataractes, eux, sont pas en mesure de faire. Alors, ça fait une différence dans un match. Alors, ce soir, l'avantage numérique, bien entendu, devra être éclatant, mais également fournir un effort constant durant 60 minutes. Et là, je parle pas seulement des joueurs de soutien, mais également des gros canons. Là, il y en a quelques-uns, dont Benjamin Casavant, que j'aimerais voir un peu plus actif en possession de la rondelle. L'absence de Ryan Kavanagh, ça paraît aussi au pivot défensif sur l'avantage numérique. Bah, c'est certain que Ryan Kavanagh ferait tout un ajout pour les Cataractes. Toutefois, on peut pas dire que depuis le début des séries éliminatoires, lorsqu'il était là, on peut pas dire que c'est lui qui faisait la différence. Et ça, c'est malheureux, parce que c'est exactement pourquoi les Cataractes sont allés le chercher. Mais c'est certain là que Kavanagh, c'est un joueur qui peut changer l'allure d'un match à lui seul, et sa perte là, fait mal présentement aux Cataractes. Ton opinion le personnel là-dessus, est-ce qu'on peut l'emporter ce soir là, du côté des Cataractes, ou t'es pas le gars le plus confiant sur la planète? Ben, écoutez, premièrement, d'entrée de jeu, lorsqu'on m'avait demandé ma prédiction, j'avais mis les Remparts en 6. Maintenant, je pense que les Cataractes devront s'avouer vaincus en 5. Ce soir au Colisée, ce sera vraiment pas facile, surtout pas après des dégelés de 8-1 et de 5-1. On a beau dire qu'est-ce qu'on veut dans le camp des Cataractes, de dire que tout ça est chose du passé, qu'on a tourné la page, qu'on se concentre uniquement sur la possibilité d'accueillir un match numéro 6 là, au Centre Bionès. Disons que je pense que des gelées comme ça, ça a laissé des traces dans la mémoire des Cataractes, mais également là, dans la mémoire des Remparts, qui, eux, devront pas prêcher par excès de confiance. Mais si les Remparts disputent le même sorte de match qu'ils ont joué là, lorsqu'ils étaient à la maison à Québec, et de la manière dont ils ont joué en fin de période là, lors du dernier match, je pense que les carottes sont cuites pour les Cats. Quand même, écoute, tu y étais aux entrevues d'après-match. L'état d'alerte était quand même pas déclaré du côté de Shawinigan. Je trouvais pas que c'était une équipe qui était à 100% inquiète en se disant, bon, ben, ça y est, c'est fini. Le plan avait l'air clair dans la tête d'Éric Veilleux, dans la tête des joueurs. Mais écoute, je suis d'accord avec toi. Je suis pas mal sûr que ce soir, ça sera la dernière pour les Cataractes dans cette saison 2010-2011. Mais pour en revenir à ton point, je pense que Michael Bonnival est jamais le plus grand jaseur. Ouais, mais on l'a vu vraiment après le match. Là, il y avait le visage long. Et c'était celui qui semblait peut-être le plus affecté après le match. Là, pour les autres, je pense qu'on y allait vraiment avec la bonne vieille cassette qu'Éric Veilleux a demandé de jouer, comme quoi qu'une série, ça se gagne en 4 matchs, que les Remparts en ont seulement 3 et que la prochaine sera la plus difficile à aller chercher. Mais vraiment, je pense que ils sont affectés, les Cataractes. Là, on l'a vu vraiment là au dernier match. Éric Veilleux hier soulignait que le moral était très bon, que certains joueurs ont eu une période difficile après le match de mercredi, mais qu'hier, à l'entraînement, tout le monde était de retour là avec la bonne attitude. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Chose certaine, les Remparts, eux, ont été fouettés par Patrick Roy. On les a vus là en troisième période. Roy qui... permettez-moi l'expression, a pété un plomb là, à quelques-uns de ses joueurs sur le banc, et ensuite de ça, on a vu le réveil de son équipe qui ont inscrit 4 buts. Donc vraiment, ça fait une différence aussi, malheureusement. Tu parlais de Bournival aussi, même ça en est pris un peu en fin de match, une escarmouche, presque jeter les gants là, du côté de Bournival. C'est pas dans sa façon de jouer normale. comme tu dis, j'ai l'impression moi aussi là que le pas tanné mais t'es un peu désespéré puis c'est lui qui a le plus ben pas c'est lui qui a le plus hâte mais lui le sentiment sort se voit beaucoup plus en tout cas sur la glace qu'en entrevue comme tu disais c'est pas le gars qui est le plus volubile tu sais comparé à un Cazavant qui est plus beaucoup plus mais m'a dit comme toi la cassette se fait aller assez aisément là du côté des Cataractes. J'étais même étonné de voir à quel point c'est bon pour nous dire les mêmes choses en série tout le monde ensemble hein. C'est assez évident autant des deux côtés autant du côté des Remparts que des Cataractes. Ouais, ben, je pense que c'est pas un secret pour personne. Je sais pas comment fonctionnent les Remparts de Québec. Chose certaine, pour les Cataractes, aussitôt que le match se termine, il y a un regroupement d'équipes où Éric Veilleux là, donne les grandes lignes. Il y en a vu d'autres membres des médias. Éric Veilleux sait un peu quelles questions les journalistes vont poser et puis suggère quelques réponses à ses équipiers pour éviter justement là, qu'il y ait des débordements lors des entrevues pour pas allumer l'autre équipe. Et c'est le résultat que ça donne. Trois questions, trois réponses identiques pour chacun des joueurs. Et si par malheur, là, on trouve le moyen de poser une question qui n'était pas prévue à l'horaire, on va finalement y aller d'une réponse très prudente avant de ramener ça sur une autre réponse là d'une autre question qui avait été suggérée par le coach. Alors c'est un peu décevant, surtout lorsqu'on regarde des joueurs qui sont promis un avenir vers la Ligue nationale de hockey, devraient être en mesure de se formuler eux-mêmes une opinion, mais chez les Cataractes, on semble vouloir les empêcher de le faire. En tant que journaliste qui couvre l'équipe au quotidien, c'est une situation qui tanne un peu, que tu trouves c'est décevant de voir que on peut pas surtout dans le junior là, il fut une époque où c'était don libre et maintenant c'est contrôle de l'information assez solide, merci. Oui, assurément. Le point a été discuté à plusieurs reprises. Je pense que je comprends le point d'Éric Veilleux qui lui veut s'assurer que ses joueurs donnent pas de munitions aux autres équipes avec des déclarations qui pourraient les mettre dans le trouble. Toutefois, c'est certain que pour nous, ça complique un peu notre travail. On a des articles à livrer et tous les joueurs qui donnent la même ligne, ça fait pas grande diversité. Alors ça fait partie de la game, comme on dit. Ça se fait seulement en séries éliminatoires. Et puis il y a deux ans à Québec, je pense que lorsque la patience avait atteint nos limites, je me souviens avec le Steve Turcotte du Nouvelliste, on avait fait sortir environ 18 joueurs du vestiaire après le match pour des entrevues en espérant qu'un de ceux-là s'échappe ou y ait une déclaration un peu différente des autres. Et puis je pense que chez les Cataractes, on était tanné de voir tous les joueurs sortir un par un, mais c'était le retour du balancier, je pense, là, fallait que ça se fasse un jour. On travaille fort. On travaille fort, mais pour en revenir au match, là, je pensais jamais dire ça, Nicolas, mais je pense que je m'ennuie de Tommy Tremblay. Ouais, du côté de Tremblay, on avait les bonnes épaules, on venait finir les mises en échec et c'est quelque chose qui est venu nuire beaucoup au Cataract, le jeu physique. Quand tu regardes un Michael Tam là, qui beaucoup... Et Frédéric Roy, surtout. Frédéric Roy, moi, c'est le point que je voulais amener, c'est que premièrement, les Cataractes ont seulement deux joueurs de 20 ans, donc au niveau de l'expérience, calmer les jeunes et compagnie, Tommy Tremblay qui a beaucoup d'expérience dans ce circuit-là. Deuxièmement, pour l'aspect physique et troisièmement, pour l'aspect confort du reste de l'équipe, tout le monde aurait joué avec un pouce de plus sur la patinoire, aurait gardé la tête un peu plus haute là, si Tremblay avait été de l'alignement. Frédéric Roy, c'est une peste sur la patinoire. Il n'arrête pas deux secondes de déranger les joueurs. Excusez à nouveau l'expression, mais la gueule, il n'arrête pas à tous les arrêts de jeu. Avec un gars comme Tommy Tremblay dans la formation, c'est certain là, que le traitement a été bien différent. Penses-tu qu'il était sur la galerie de presse, pas sur la galerie de presse, mais plutôt du côté des loges, Vincent Arsenault qui va se joindre à l'équipe l'an prochain, ça peut jouer un peu le rôle d'un Tommy Tremblay ou c'est faudrait quand même aller se grayer d'un autre joueur comme ça là, l'an prochain? 165 minutes de pénalité cette année, je pense que ça répond de soi à la question. Oh, ça dépend, ça peut être des mauvaises pénalités. Oui, à coup de 5 minutes, c'est rarement des mauvaises pénalités. Fait que Jonathan, on peut te lire ce soir après le match du côté de l'hebdo de Saint-Maurice.com? Oui, bien entendu, on va être là pour couvrir ce possible dernier match de la série. Alors, bien entendu, les commentaires des deux entraîneurs, des joueurs qui auront fait la différence là, dans le match pour les deux équipes, ça va venir une heure après le match. Ben merci beaucoup, Jonathan. Salut, on vous en bonne, bonne merci, fin salut. De semaine. Salut. Bye-bye. C'était Jonathan Roberge de l'hebdo-de-saint-maurice.com. On continue à parler de hockey junior, mais si on va quitter un peu la cité d'énergie, on va s'en aller plutôt vers Victo. Victo qui a réussi l'impossible, j'en avais parlé la semaine dernière, lundi passé plutôt, a réussi à remporter un match à Saint-Jean en temps régulier. Victo qui surprend dans cette série-là. La série s'en venait du côté de Victoriaville. Deux matchs mardi et mercredi. Tout d'abord, mardi, c'est une défaite de 6-3 des Tigres contre les Sea Dogs. Et mercredi, ben, une performance excellente du côté de Victoriaville. Une défaite très honnête de 5-4 contre Saint-Jean. 44-28 les tirs, là. David Onzik, dans les filets des Tigres de Victoriaville, fait un travail magistral. Il va être une pièce très importante du casse-tête de Victoriaville, qui est une équipe jeune, qui devrait atteindre sa maturité probablement pas l'an prochain, l'année suivante. Philippe Dano aussi, qui joue super bien là du côté de Victoriaville. Donc, une défaite de 5-4 en prolongation. On est passé bien près du côté de Saint-Jean, plutôt de Victoriaville, mais c'est Saint-Jean qui l'emporte. Et dans l'autre série là qui nous concerne, les Tigres de les Voltigeurs de Drummondville, plutôt, sont en action toujours contre les Olympiques de Gatineau. Eh bien, Gatineau, c'est pas facile, hein, jouer à l'Arena Robert-Gartin. C'est un endroit où est-ce qu'on accueille les équipes visiteuses de manière pas toujours agréable. Benoît Groux, c'est un coach très expérimenté du côté des Olympiques de Gatineau. Eh bien, ils ont renversé la vapeur après avoir perdu les deux premiers matchs à Drummondville. Gatineau a remporté les deux matchs à domicile, des victoires de 4-1 et 6-1 sur les Voltigeurs. Donc, grosse performance de la part de Maxime Clermont, entre autres, là, dans les filets, là, qui a arrêté 19 des 20 lancés des Voltigeurs de Drummondville. En parlant d'un joueur qui a compté dans ce match-là, Tommy Tremblay, on en parlait avec Jonathan. Jonathan m'a devancé un peu là-dessus, mais je vous annonce en primeur que Tommy Tremblay joindra les Patriotes de l'UQTR l'an prochain. Je pense que c'est une grosse acquisition. Mm. Il en parlait, Jonathan. Il m'a piqué les moules. C'est un gars qui a des bonnes épaules, finit ses mises en échec. Oui, jette les gants. Pourquoi pas jeter les gants au niveau universitaire avec les Patriotes? C'est pas grave. Il est capable de compter des points. Dans le cas de Tremblay, on parle d'une saison de 35 points, si je me trompe pas. 35 points exactement. En 61 matchs avec Gatineau et 4 matchs avec les Cataractes de Shawinigan. C'est un joueur qui est extrêmement aimé aussi en Mauricie. Je pense que ça peut venir aider au full aussi. Donc, grosse acquisition du côté de la troupe de Jacques Laporte. Vous pourrez aller plus ce matin là dans le zone campus qui va être dans les kiosques dans très peu. Là. Je pense que déjà, on est à la distribution du côté de mes patrons là, et des gens qui distribuent ça. Les autres séries, là, pour terminer avec ça, là, du côté de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, eh bien, Montréal, c'est la seule autre série qu'on n'a pas parlé. Montréal qui est taculé le dos au mur, vraiment, là, 3-1 qui perdent contre Lewiston. On s'attendait à toute une saison, ouais, du côté de Montréal. Je les avais prédits comme favoris, à part Saint-Jean, là, bien sûr, pour se rendre à la Coupe du Président. Eh bien, on a perdu les matchs à Lewiston par la marque de 2-1 et 4-1. Ça va pas très bien du côté du Journal de Montréal et c'est pas la première fois que Pascal Vincent a de la difficulté une fois que ça compte en séries éliminatoires. Donc, c'est ce qui termine la chronique junior majeure. Une bonne chronique, hein? On s'entend qu'on a fait du temps à matin avec ça. On s'en va à une pause. Au retour, on parle de hockey de la Ligue nationale, les séries éliminatoires avec Jonathan Bernier en direct de Pittsburgh. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduiteparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, c'était le premier match de série opposant le Canadien aux Bruins de Boston hier soir. Grâce à deux buts de Brian Gionta et une performance parfaite de Carey Price, le tricolore est allé chercher la première rencontre par la marque de 2-0. À Philadelphie, Ryan Miller signe son deuxième jeu blanc en carrière en séries éliminatoires pour faire taire l'attaque des Flyers et aider les Sabres à gagner le premier match de la série par la marque de 1-0. Et à San Jose, on a dû se rendre jusqu'en prolongation pour voir Joe Pavelski donner la victoire aux Sharks par la marque de 3-2 sur les Kings de Los Angeles. Du côté de la Ligue américaine, maintenant, les Bulldogs prennent le devant 1-0 dans la série les opposants aux Barons d'Oklahoma grâce à une convaincante victoire de 5-2. Nigel Dawes et Olivier Fortier ont tous deux touché la cible dans la victoire. Au tennis, Milos Raonic a vu son parcours du Master de Monte Carlo prendre fin alors qu'il affrontait David Ferrer au troisième tour. Il a fallu deux manches de 6-1 et 6-3 à l'Espagnol pour éliminer le Canadien. Au football, la Ligue canadienne a modifié 4 règlements pour la saison 2011-2012. Ces changements prévoient l'augmentation des pouvoirs de révision des juges vidéo, l'élimination des blocs sous la ceinture après une passe complétée, des modifications aux options offertes après un botté de dégagement qui quitte le terrain et des précisions concernant la participation illégale. On pourrait aussi voir des changements dans la façon de faire au baseball de la Ligue majeure pour la saison 2012. La Ligue pense à utiliser les reprises vidéo de manière à ce que les balles coincées au sol lors de tentatives d'attraper et les balles frappées le long des lignes puissent être visées. Finalement, je vous le rappelle, les Cataractes de Shawinigan seront en action ce soir à l'occasion du cinquième match de la série les opposant aux Remparts de Québec. Shawinigan tire de l'arrière 3-1 dans la série et feront face à l'élimination. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? L'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On parle maintenant des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. On le rejoint à Pittsburgh directement, M. Jonathan Bernier. Ça va bien, Jonathan? Ça va bien, vous autres? Ouais, ça va très bien. Il a fallu que je prenne mon meilleur accent là, pour réussir à te parler au lobby. Là. C'est... Bon, parfait, ça. Ah, écoute. Jonathan, t'es à Pittsburgh, bien sûr. Tu couvres la série entre les Pingouins et le Lightning de Tampa Bay. On va commencer avec ça avant de parler du Canadien, vu que t'es sûr. T'as les pieds dans le Console Energy Center. Ça a l'air, c'est joli comme arena. Ben, c'est assez spectaculaire, puis j'espère que le maire Labombe et son groupe là, ont visité le Console Energy Center, parce que moi, là, J'ai été bouche bée mercredi quand je suis arrivé à l'amphithéâtre. Il y a des... C'est une aréna qui a un peu plus de 18 000 sièges, mais c'est parce qu'on... Justement, ils n'ont pas voulu bourrer trop pour laisser de l'espace aux gens, pour laisser de la chance aux gens de ne pas être empilés un par-dessus l'autre, un peu comme au Centre Bell, si je peux dire. Mm. Les sièges sont spacieux, sont... Je pense qu'un gars de 250 livres ou 300 livres peut rentrer facilement dans un siège sans se sentir pogné. Hein. Wow. Ensuite, dans les... Tu sais, quand on va au Centre Bell, là, y a, quand tu vas aux concessions, t'es comme... t'es à l'arrière du... t'es sous les estrades, finalement, puis t'as pas accès... tu vois pas la partie où t'entends moins l'ambiance du Centre Bell. Tandis qu'à Pittsburgh, les concessions sont, encore une fois, sous les estrades, mais c'est à air ouverte. Oh, wow. Donc, t'as toujours un peu un œil... sur la rencontre. Il y a des télévisions, ça doit être des 60 pouces, si c'est pas plus, là, partout dans les corridors, dans l'amphithéâtre. Et c'est justement pour que les gens soient toujours un œil sur le match. C'est la nouvelle mode pour ce qui est de la construction des arénas, et même on va faire ça du côté du Madison Square Garden, qui tombe en rénovation. On commence la rénovation. tombe en ruine également. Oui, bien ça, c'est justement pourquoi il va y avoir des rénovations. on va détruire comme le pas le deuxième étage, mais comme si on peut dire le deuxième étage, pour en faire un angle plus abrupt, et on va faire des ouvertures un peu comme on peut retrouver là, et qu'on peut retrouver au Consol Energy Center. Très, très, très beau. Et bon, vas-y, continue. Le vestiaire des Pingouins aussi est assez hallucinant. Là. Moi, j'ai eu la chance l'an dernier d'aller au Mellon Arena. Ah, la chance! Et puis, les gars, pour faire leur entraînement ou leur réchauffement, si on veut, d'avant match, là, il était pris comme entre la Zamboni. T'avais les gars qui passaient les chariots de nourriture là, pour aller dans les concessions. Enfin, les gars devaient faire leur sprint entre différents obstacles. Tandis que là, ils ont un grand vestiaire spacieux. Puis pour se rendre à la patinoire, et ça va être aussi le même cas pour le Madison Square Garden, ils passent dans une espèce de... comme une suite, finalement, ou un restaurant, là, où, bon, évidemment, ça va être les gens les mieux nantis qui vont pouvoir être là. Mais les joueurs passent, en fait, à l'intérieur, là, dans la foule, si on veut, pour se rendre jusqu'à la patinoire. Donc, c'est assez impressionnant. Alors, parlons du match, là, et parlons de la série entre les deux formations. On a émis nos prédictions, nous autres, là, la semaine dernière, lundi plutôt, et on avait tous nommé le Lightning comme favori, et même une série assez courte, merci. Semble-t-il qu'à date, à voir le premier match, on a eu tort? Ben, en fait, c'est la recette du succès en série, c'est souvent le gardien de but, et Marc-André Fleury a fait... une belle démonstration mercredi. Je sais pas ce que le match avait l'air à la télé, parce que des fois, des matchs de 0-0 jusqu'en troisième période, ouais, ça apparaît un peu ennuyant, là. Mais sur place, c'était assez spectaculaire. Fleury a fait des arrêts dans toutes les positions possibles. De dos contre Ryan Malone. Après ça, il a tiré le bras alors qu'il était battu contre Vincent Le Cavalier. Tellement que les joueurs du Lightning... hier, ont déjà commencé un peu à se poser des questions. Évidemment, là, ils ont compris que le simple tir au filet avec la voix dégagée, ça fonctionnerait pas, qu'il faudrait que les joueurs mettent des circulations devant le filet, se rendent à Marc-André Fleury pour prendre les retours, essayer de lui voiler de la vue, puis essayer de lui nuire un peu, de nuire à son travail, parce que là, ils ont compris que des simples tirs de la ligne bleue ou des tirs en angle, là, ça marcherait pas, il pourrait pas battre Fleury avec ce genre de jeu-là. Et puis, ce qui est assez spectaculaire aussi, c'est que, bon, oui, les Pingouins sont privés de Sidney Crosby, sont privés d'Evgeny Malkin, mais ils réussissent à gagner pareil, puis ils ont été privés de ces deux joueurs-là pendant la deuxième portion de la saison, puis ils ont réussi à terminer quatrième. Alors hier, je suis allé voir un peu les gars des Pingouins, je leur ai demandé c'était quoi la recette du succès, puis je leur ai demandé aussi, vous trouvez pas ça insultant que les gens se disent surpris de votre performance, en voulant dire que, bon, ben, c'est dans cette équipe-là, à part Crosby puis Malkin, il y a rien finalement, donc ça nous surprend qu'ils terminent quatrième, tu sais. Fait que les gars m'ont expliqué que c'est tout un... La recette de leur succès, c'est une histoire d'organisation, en fait. Les gars qui jouent dans la Ligue américaine pour les Pingouins de Scranton. Ouais, Wilkes-Barre Scranton, ouais. Wilkes-Barre Scranton, ils ont le même système, ils pratiquent le même système de jeu identique à celui des Pingouins de Pittsburgh. Donc, quand les joueurs sont rappelés pour remplacer les joueurs blessés, ben, ils embarquent directement dans le moule, ils savent exactement où se placer, c'est quoi le jeu, de quelle façon on réagit par rapport à telle situation. Là, c'est sûr que là, il n'y a pas personne pour remplacer le talent de Crosby et Malkin, mais il faut savoir aussi que les Pingouins ont eu 350 matchs ratés pour cause de blessures cette saison. Donc, en plus de Malkin et Crosby, il y a eu, entre autres, Jordan Staal, il y a eu Brooks Orpik, il y a eu Chris Kunitz, il y a eu Mike Comrie. Tous ces joueurs-là ont raté au moins une quinzaine de matchs cette saison. Donc, ça prenait des gars prêts à sauter dans l'action, puis, tu sais, pas des gars qui savaient pas trop où s'en aller. Ça prenait vraiment des gars qui étaient au courant du système du coach Bielsma. Donc, voilà pour les Pingouins. Et pour le Lightning, là, il va falloir que l'attaque se remette en marche. Il y a Steven Stamkos qui a terminé la saison avec 45 buts. Mais de ces 45 buts-là, il y en a seulement 5 qui ont été marqués dans les 28 derniers matchs. Ça commence pas nécessairement à être inquiétant. Guy Boucher m'a dit que ça l'inquiétait pas vraiment. Pour lui, ça fait partie de la, selon lui, ça fait partie de l'apprentissage du jeune garçon, du jeune joueur. Puis bon, si c'est pas cette année, si ça ne porte pas fruit cette année, ben ça va être à long terme, là, ça va rentrer dans son expérience, ça va faire de lui un meilleur joueur pour les années à venir. Mais les gars du Lightning, ils n'avaient pas l'air inquiets pour leur jeune coéquipier, selon eux. C'est juste une mauvaise passe. Puis ça paraît pire que c'est, justement, parce que son début de saison a été exceptionnel. Jonathan, ta prédiction pour cette série-là? Moi, j'ai mis les Pingouins en 7. Pourquoi des Pingouins en 7? C'est parce que je me suis fié un peu à la série entre les deux équipes au cours de la saison. Les deux équipes ont divisé la série de 4 matchs, 2 victoires de chaque côté, et chaque équipe a remporté les matchs disputés sur sa patinoire. Donc, étant donné que les Pingouins ont l'avantage de la glace, je les ai mis en 7 parce que je trouve que bon, dans les filets, je donne l'avantage aux Pingouins, il va s'en dire, mais pour ce qui est du reste, à la défense, c'est pas mal équivalent. À l'attaque sans Crosby et Malkin, je trouve que les deux équipes aussi se ressemblent beaucoup, même que je donnerais un certain avantage au Lightning, tout simplement pour la créativité, le fait d'être capable probablement de sortir un peu plus du pétrin, là. Si j'inverse les rôles et je mets la série 1-0 Lightning aujourd'hui avec la même problématique d'un gardien de but qui fait tous les arrêts, je suis moins certain de la capacité des Pingouins de s'ajuster que de celle du Lightning. OK. Donc, ça va devoir... on va devoir jouer dans nos... Comment dire? Garder le fil de croisière qu'on vient d'établir du côté de Pittsburgh. Exactement. Essayer de puiser dans toutes les ressources possibles également. Là, il faut absolument que la production offensive vienne d'un peu partout là, du côté de Pittsburgh s'ils veulent s'en sortir. Oui, c'est ça. Parce que là, ça peut pas être simplement le rôle d'un seul trio. Puis je pense que c'est ça aussi qui a fait qui leur a permis de, comme je disais tantôt, de se maintenir dans les meilleures équipes de l'Est. C'est que tout le monde a pris les bouchées doubles pour remplacer les gros morceaux. On se bâtit une identité. Souvent, exact. C'est ça qu'on va dire là-dessus, une identité plus défensive et plus qui a plus de succès malgré les gros canons. Jonathan, j'aimerais savoir tes prédictions pour toutes les autres séries, là, rapidement. OK, rapidement. Moi, en première ronde, comme je l'ai déjà dit, il y a toujours des surprises. La ronde où il y a le plus de surprises, évidemment, parce qu'il y a le plus de séries. Logiquement. Donc, moi, à chaque année, je me prends un choix dans la première ronde, un ou deux choix illogiques. C'est un ou deux choix qui ne tiennent pas debout. Que si tu me demandes de te l'expliquer, je te dis juste que c'est le feeling. Alors, mon choix illogique pour cette première ronde, c'est les Rangers en 7 contre les Capitals de Washington. OK. Quand même, parce que moi, je trouvais que hot comme les Capitals étaient, j'aurais été étonné de les voir perdre contre les Rangers, mais c'est correct. Dans les autres séries? Dans les autres séries, là, c'est un petit peu plus normal là, dans mes choix, quoi qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise, évidemment. J'ai mis les Flyers en 6. Plusieurs pensent que ça va être, dans cette série-là, la surprise de l'Est. Bon, moi, je mets les Flyers en 6 quand même. J'ai mis les Bruins en 6. Le Canadien a des bonnes chances de me faire mentir parce que le Canadien contre les Bruins, c'est toujours un peu aussi illogique, là, comme si je peux m'exprimer comme ça. Année après année. On l'a vu dans l'histoire, là, parce qu'il y a bien des fois que les Canadiens auraient dû être éliminés rapidement par les Bruins. Oui, mais on dit ça, mais dans les 6 dernières fois que les Canadiens ont affronté les Bruins, c'est 3-3. Non. Ouais, mais c'est ça. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Rien pantoute. Mais c'est ça veut rien dire. On n'a pas nécessairement le numéro des Blues les dernières années. C'est 24-8 depuis 1926 aussi. Ouais. Donc, ouais, exactement. C'est un signe. C'est les mêmes joueurs. Les Pingouins, les Pingouins en 7. Dans l'Ouest, j'ai mis les Canucks en 5. Les Canucks qui vont finalement réussir à dompter leur bête noire là, contre qui ont perdu au cours des deux dernières années. J'ai mis les Sharks en 6, étant donné l'absence de Andrew Kopitar du côté des Kings. Et puis, je pense aussi, là, bon, année après année, les Sharks nous déçoivent toujours en série, mais ils réussissent toujours au moins à passer le premier tour. Les Red Wings en 6 sur les Coyotes. Et pour terminer, moi, j'ai pris les Predators en 7 contre les Ducks de Anaheim. Là aussi, je suis un peu allé avec mon feeling, quoique quand la position, c'est 4 et 5, c'est pas si surprenant que ça. Et puis, je pense que Pécoriné va faire une bonne performance. Il est bon. Poursuivre sur sa lancée de la saison. Barry Trotz, là, qui va peut-être pouvoir accéder à une deuxième ronde, lui qui est là depuis 1922 avec les Prédateurs de Nashville. On parle maintenant de la série la plus intéressante. Là. Fait longtemps qu'il est là, Barry Trotz. Je veux dire, il y a des c'est la séquence active la plus longue après Lindy Ruff. Exactement. Puis, dans une ligue où un entraîneur se fait nettoyer, se fait tasser plus rapidement que... il se fait nettoyer son bureau assez rapidement. Merci. Ouais, hein, ouais. C'est ce qu'il se fait dire avant de nettoyer tes affaires, votant, là. Barry Trotz est un modèle là, de longévité. Alors, parlons du match du Canadien hier contre les Bruins de Boston. Toute une victoire de la part du Canadien qui, à défaut de donner un match excitant, à défaut de donner une performance offensive, a exécuté le système de Jacques Martin à la perfection pour une deuxième année consécutive. Là. Exactement. Le système Jacques Martin, le système des séries qui consiste... Jonathan? Oh, on vient de perdre Jonathan. Jonathan? On vient de perdre Jonathan, on dirait. Non, mais quand même, c'est ce qu'on disait un peu aussi avant l'émission, en fait, là, ce que Jonathan allait nous entretenir. Le style du Canadien en série qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait l'an dernier contre Washington, ce qui nous a permis également d'éliminer Pittsburgh. On l'a vu hier. On laisse le spectacle à l'autre équipe. Mm. On les empêche d'entrer autour du filet. On les fait travailler énormément en périphérie. C'est un mot que j'adore. C'est-à-dire qu'on les force à travailler du long de la rampe. On les pousse sur la rampe. On les empêche de rentrer. Et lorsque des tirs arrivent, ben forcément, ils arrivent de la périphérie. Puis on a toujours 2, 3, 4 joueurs même parfois pour justement s'occuper du ménage devant le filet de Carey Price. Puis on profite des occasions. Donc on sert de sa vitesse. Puis ça a porté fruit hier. J'ai l'impression qu'on on changera pas la stratégie du côté de l'équipe de Jacques Martin. Non, on avait jasé aussi en saison régulière. On avait dit à chaque fois que le Canadien se pense plus fort en attaque qu'il l'est. C'est les séquences, c'est là que ça arrive, les séquences de plusieurs défaites de suite. Tandis que quand on prend un style de jeu qui ressemble un petit peu plus au style des Devils, c'est là qu'on ferme le jeu, on fait comme un peu les Mikey Ducks faisaient avec la poubelle. Là. Ouais. On nettoie devant le filet, on enlève le bagel avec la tartinade de fromage dessus, puis on fait le ménage. Puis c'est ça qu'on a fait hier. Les retours que Carey Price n'était pas capable de contrôler, les défenseurs étaient tout le temps là pour les envoyer en périphérie. Exactement. Puis on a beaucoup de défenseurs également qui se jettent devant la rondelle. Moi, hier, j'ai vu Scott Gomez à genoux devant un tir. Là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là. Belle performance, Gomez hier. Tout à fait. Puis on a des joueurs qui sont prêts. Qui connaissent, qui ont connu le succès en série, donc qui savent que si tu veux du succès en série, et Jonathan qui est probablement de retour, si tu veux du succès en série, il faut d'abord et avant tout que tu écoutes le coach. Parce que c'est lui qui. Jonathan? Oui! Oui, ben voilà! Ouais. Ça a coupé, je pensais même pas que tu allais rappeler. Écoute, je m'en ai dit, parce que tu t'en vas dans 3 minutes au morning skate là, des Penguins de Pittsburgh. Ben ouais, mais j'ai dit, je vais quand même finir mon 3 minutes. Ben, là, je vais prendre au complet. un gars qui se donne à 100%, c'est Jonathan. Oui, ben écoute, Jonathan, t'as envie de parler du système là, du Canadien hier qui a été parfait ou à quelque chose près. À quel point tu penses qu'on doit vraiment isoler Zdeno Chara dans cette série-là pour s'assurer d'un succès? Ben, il faut l'isoler, oui et non, parce qu'il faut pas simplement se concentrer sur lui, je pense. Moi, j'ai l'impression que la chose qu'il faut le plus isoler de Zdeno Chara, c'est son lancer. Si on peut avoir toujours une couverture sur lui pour l'empêcher d'utiliser son lancer, je pense que c'est ça la principale tâche des joueurs du Canadien contre le grand défenseur. Mis à part ça, il faut le laisser dormir un peu. Je pense pas qu'on doit le provoquer. Laissez-le. Ouais, s'il pousse, tu t'en vas. Ouais, ben c'est ça. Provoquez-le pas pour réveiller un peu, pour réveiller le gros ours, justement, puis réveiller tous ses coéquipiers. Laissez-le aller, laissez-le sommeiller. Puis si tu ne provoques pas Chara, souvent, ça se peut qu'il passe sous silence un peu. Pis c'est ce qu'on a fait du côté du Canadien hier. À toutes les fois qu'on se faisait pousser, à toutes les fois qu'on se faisait tasser, on se retournait, bonsoir, un peu comme les professeurs nous disaient à l'école, si tu te fais intimider, tourne les talons puis va-t'en. C'est ce qu'on faisait du côté du Canadien, puis ça a mis le feu aux poudres des Bruins de Boston qui on s'attendait probablement pas à ça là, du côté de, des Bruins. Ouais, mais de toute façon, le Canadien n'a pas les armes pour résister. Et le Canadien se dit, justement, si les Bruins veulent jouer à ce jeu-là, nous, notre objectif, ça serait de les battre avec notre supériorité numérique. Donc, la raison pour laquelle le Canadien tourne les talons, en espérant peut-être un coup supplémentaire du joueur des Bruins qui l'enverra en bas des punitions, c'est la stratégie de Jacques Martin. Encore une fois, si on regarde les buts marqués à 5 contre 5, le Canadien a été une des pires formations au cours de la saison. Donc, c'est sûr que l'objectif, c'est de capitaliser en avantage numérique. Et c'est encore plus vert à cause du fameux système défensif prôné par Jacques Martin, là, dont on parlait tantôt. Le Canadien, à 5 contre 5, se concentre autour du gardien, puis il va prendre des chances seulement si la chance se présente vraiment. Ce ne sera pas l'équipe qui va forcer le jeu. C'est la raison donc pour laquelle les supériorités numériques du Canadien seront très importantes, parce que c'est à ce moment-là que le Canadien va vraiment mettre la pédale au plancher pour essayer de marquer un but. Il y en a toujours beaucoup plus aussi des supériorités numériques en première ronde, étant donné qu'on dirait que les arbitres sont plus sévères, appliquent plus les règlements à la lettre et vont pas selon le match et selon le pointage pour pas nuire à une équipe. En première ronde, on dirait que tout le monde est plus effectue plus son travail. Là. Exact. C'est comme s'ils voulaient donner le ton un peu là pour les séries éliminatoires pour démontrer de quelle façon ça allait être arbitré. Même si c'est justement ça se perd pendant les au cours des rondes suivantes, mais effectivement la première ronde est toujours la ronde la plus sévère. En terminant, Jonathan, Scott Gomez qui a disputé un gros match hier, est-ce que tu penses que ça va être un facteur là, du côté du Canadien, le retour de l'Alaskien? Ben c'est sûr que ça va être un facteur. Le succès du Canadien passe par l'implication de tous ses joueurs d'attaque. Particulièrement ceux des deux premiers trios. Bon, Scott Gomez a dormi toute la saison, s'il peut se réveiller. Et le Canadien a réussi quand même à bien faire. Donc, si Gomez peut participer activement au pointage en série, c'est sûr que ça va être un plus pour le Canadien. Au même titre que ça va être un plus pour le Canadien, si Plekanec, comme l'a démontré hier, réussit lui aussi à donner du jeu inspirant en série éliminatoire, parce que l'an dernier, il avait été un peu plus effacé. Hier, il a obtenu des bonnes chances à marquer. Il aurait juste maintenant à mettre la rondelle dans le but. Donc, c'est sûr que l'apport de ces deux joueurs-là en séries éliminatoires combinées au travail qu'on connaît déjà là, des joueurs des autres attaquants du Canadien, c'est sûr que ça va être un plus contre les Bruins. Ben merci beaucoup, Jonathan. On peut te lire dans le Journal de Montréal ce matin? Oui, le Journal de Montréal depuis cette semaine, de retour après deux longues années de conflit. Alors, on reprend le travail là avec le Journal de Montréal. Wow. Donc, tu as un bon retour. Merci beaucoup. Bon retour, puis bon séjour à Pittsburgh. Tu t'en vas-tu à Tampa Bay après? Non, parce que la semaine prochaine, je suis encore un peu à RDS aussi. Je termine mon contrat jusqu'au début de mai, donc la semaine prochaine, je suis exclusivement à RDS. Ah, OK, d'accord. Fait que on comprend ça, c'est normal. Salut, bon, Jonathan. Merci. Salut. Alors, c'était Jonathan Bernier du Journal de Montréal. On continue à parler, monsieur, là, de la série Canadien-Boston. Ce que j'ai bien apprécié hier et ce qui va être, j'utilise beaucoup ce mot-là ce matin, mais primordial, important, la chose numéro un pour le Canadien en séries éliminatoires, c'est d'utiliser la vitesse, particulièrement contre les Bruins, qui sont une grosse équipe. Mais un jeu qui m'a marqué anodin, très anodin. Anodin, mais primordial. Oui, non, mais anodin, Thomas Plekanec qui a... un petit chip sur le long de la bande, par la bande, dépasse Zdeno Chara qui est là sur son pivot, se rend au filet, prend un bon tir contre Tim Thomas. Ça n'a pas donné un but, même Plekanec qui était s'écrasé dans la barre après, mais c'était à 100% le type de jeu que ça prend chez le Canadien si on espère l'emporter dans cette série-là. Et vraiment, hier, on l'a vu, la vitesse, ça l'a payé. On a aussi commencé à payer le prix Costin, André qui s'est jeté devant un lacé. Costin et Moen qui ont subi les foudres du gros Z avec et Costin, ça a été quand même un peu plus sérieux que Moen. On sait que Moen est quand même assez tolérant au seuil de douleur. Généralement, Costin aussi est assez dur à son corps, mais là, manqué presque l'ensemble de la première période. Ouais. Il est revenu quand même assez en forme, là, a piqué des bonnes mises en échec, puis a très bien joué également. C'est un beau trio, ça, qui peut être très intéressant en série. L'impression que ça faisait mal, là, du coup. Puis, quand t'arrives au banc dans ces situations-là, tout ce que tu te fais dire de tes coéquipiers, c'est « Ah ouais, c'est pas si pire que ça. » Tu sais, c'est la seule chose qu'on peut te dire pour te remonter, parce que on n'enlèvera pas le patin, sinon ça va enfler. T'as pas mal. Qu'est-ce qui était bien aussi, c'est voir comment Carey Price avait pas vraiment la vie voilée. On voyait sur les reprises la caméra derrière le filet, des affaires comme ça, on voyait vraiment que la trajectoire de la rondelle, Carey Price la voyait, les joueurs du Canadien étaient capables de protéger l'enclave justement pour pas permettre aux joueurs de Boston de déranger trop Carey Price. J'ai hâte de voir comment Boston va répliquer à ça lors du prochain match, mais si on continue comme ça, c'est une Carey Price quand il voit la rondelle. Il est pas battant. Non, c'est ça. Il était tellement cool hier. Ouais, relax. Relax, un arrêt, patati, patata, je me lance pas nulle part, je suis tout le temps à la bonne place. Carey Price est en plein contrôle de ses moyens présentement et honnêtement, moi, être les Blues de Boston, ce matin, je me réveille et je fais « Hey boy, ça sera pas facile cette année un non Un peu plus. Comme Tampa Bay avec Fleury, comme on parlait tantôt. Un peu, mais ouais, c'est Fleury encore... est moins techniquement toujours bien placé. Ça se peut que tu trouves Fleury hors position, un peu tout croche, essayer d'arrêter la rondelle avec ses lacets. Dans le cas de Carey Price, cette année du moins papillon. Et jusqu'à présent, très, très, très, très, très solide dans son papillon. S'en sert pas à outrance comme il faisait il y a 2-3 ans, là, ouais. Où il était toujours sur les genoux et il se faisait battre au-dessus des épaules parce qu'il était vraiment penché par en avant. Là, il est beaucoup plus solide dans son papillon, a le dos très droit et couvre très bien le filet. C'est un très grand gardien. Donc, toujours bien placé, contrôle bien ses rebonds et même au moment où il pourrait avoir un rebond qui lui échappe et qui va dans l'enclave, il est quand même bien placé et rarement pris hors position. Ouais. Ça, c'est très difficile pour une équipe adverse. Il faut absolument qu'on le bouscule du côté de Boston. Puis comme tu le mentionnais si bien tantôt, en première ronde, les pénalités sont quand même très, très fréquentes, ou du moins plus fréquentes que dans les autres rondes. Puis on le remarque dans l'ensemble des matchs, dans l'ensemble des séries cette année, là, l'arbitrage qui est très, très efficace. J'ai longtemps décrié le travail de Roland Melançon du côté du Canadien. J'ai toujours trouvé que c'était pas quelqu'un dans sa technique qui enseigne aux gardiens de but, que ce soit Cristobal Huet, que ce soit Mathieu Garon, José Théodore et tous ceux qui ont suivi, tout le temps à genoux, à genoux, à genoux, ce qui créait des trous en haut et en bas. Et dans le cas de José Théodore, c'était épouvantable parce que José Théodore, qui est un tout petit gardien, est tout le temps constamment sur les genoux et évidemment, quand le gardien perd la confiance, se penche vers l'avant, donc ça crée encore plus d'espace en haut. Et c'était vraiment le problème même avec Carey Price parce que Price, même s'il est plus gros, était un gardien, ce qu'on appelle un hybride. Un mix entre un gardien debout et un gardien papillon. Melançon a tenté d'en faire un gardien de papillon tout simplement à Montréal. Et on a vu ce que ça a donné. Ça lui a coûté son poste à lui parce qu'on a fait, hey, à ta minute, il est en train de nous scraper notre cinquième choix repêchage, là, lui. Pierre Grou arrive. Il a été progressivement Carey Price. On a vu l'an passé des hauts, des bas. C'était pas exactement ce qu'on s'attendait du côté de Price. Alak était là, ce qui a donné des séries excitantes. Et cette année, Carey Price est un gardien métamorphosé et il est beaucoup plus debout, beaucoup plus gros devant son filet. On l'a vu hier, petit déplacement à gauche, petit déplacement à droite, sans se mettre sur les genoux et c'est payant là, pour le Canadien. Gâté d'y aller du fameux clin d'œil qui sera maintenant fort populaire et je vous garantis que d'ici une journée ou deux, là, on va avoir les deux images côte à côte à la télévision de Patrick et de Carey qui font des clins d'œil. Bon, évidemment, celui de Carey avait un peu moins de saveur, là. Il était en direction de Brent Sopel pour l'avoir remercié de bloquer un tir, tandis que Patrick, c'était à l'endroit de Marty McSorley. Thomas Sandstrom. Thomas Sandstrom des Kings, effectivement. Je suis fier, j'étais pas vieux dans ce temps-là. Tim Thomas, hier... pas une très grande performance. Oh, pas mal paru nécessairement, mais... Il n'est absolument pas un facteur dans la défaite du côté des Blues. Et je veux dire, comme tu dis, il a pas mal paru. Il a fait quand même des bons arrêts. La séquence qui a échappé le tir de le dégagement, je peux pas le dire de loin. Oui, effectivement. Et où là, Plekanec aurait pu vraiment faire très mal aux Blues. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dégagement sur Tim Thomas, qui jongle avec la rondelle, donne un grand retour, n'est plus du tout dans son filet. Plekanec qui a lancé environ 2-3 pouces là, de la tige pour à ce moment-là, ça aurait porté la marque 2-0. Mais au-delà de ça, quand même bien performé. Ouais. Évidemment, on l'a senti un peu nerveux, un peu chancelant, surtout en deuxième période où il n'a pas vu beaucoup d'action. Mais quand ton équipe perd 2-0 et qu'elle n'est pas plus menaçante que ça, Parce que, bon, oui, on a vu les Bruins tourner autour du filet du Canadien, mais j'ai jamais été vraiment nerveux, là. Je me suis jamais vraiment levé de mon siège à dire, oui, on a été chanceux. À part deux, trois reprises. Exactement. Là, mais rien pour écrire à sa mère, là. Et c'est pas facile pour un gardien de but de ne pas être occupé. Les gardiens de but aiment ça recevoir des rondelles. Et Tim Thomas, c'est un gardien qui, j'en déduis, est un peu comme ça. Puis hier, c'est pas facile parce que le Canadien a tiré quoi hier? Il a pas tiré, là, une tonne hier, je vous sors les statistiques dans deux petites secondes. Du côté du Canadien, on a effectué... On n'a pas accordé des mauvais 20 buts non plus du côté de Thomas. 20 tirs quand même. 20 tirs. Donc, c'est respectable. C'est pas énorme là, quand tu dis qu'on en a fait 11 de plus du côté de Boston. Carey Price était beaucoup plus hot. Mais il y a aussi bon le fait que Tim Thomas est un gardien. Et bon, j'en parlais sur mon dernier texte, dans mon dernier texte sur inconduitedepartie.com. J'ai énuméré les trois clés pour que le Canadien l'emporte. Et une d'elles, c'est que ça prend un but rapidement. Ça prend le premier but et ça le prend rapidement. Parce que c'est le type de but qui peut déstabiliser Tim Thomas, qui est un gardien aisément déstabilisable. On l'a vu à travers les années. On en compte un rapidement et on continue à mettre un peu de pression. Soyez pas étonnés s'il y en a un et deux de plus qui entrent dans le filet. Je serais pas étonné de voir Tukaras qui a été appelé à relève à un moment donné dans cette série-là. Tim Thomas reste un excellent gardien de but, mais totalement à l'opposé de Carey Price. Ouais. Tim Thomas est un gardien de réflexe, d'instinct. Alors que Carey Price beaucoup est vraiment technique. Un gardien technique, extrêmement technique. Et ça se voit là du côté du Canadien. Je pense qu'on peut être très fiers de notre performance d'hier. Et du côté des Bruins, je pense que la grosse déception, c'est le trio Krejci, Lucic, Horton, qui n'ont absolument rien fait qui vaille. Ils ont même pas été, ne serait-ce que menaçant. Un Mark Recchi complètement invisible également. Michael Ryder, pas là du tout. Ça a été un match très difficile du côté des Bruins. Chara, Caberlé, exactement, ont pas été j'en parlais justement hier alors que j'écoutais le match. C'est pas le Caberlé des Maple Leafs. Non. C'est pas le Caberlé qui a fait si mal que ça aux Canadiens. Puis on en parlait, on se disait, ça doit être quand même assez difficile d'être échangé à une équipe que tu vois si souvent, que t'haïs si souvent, même si la rivalité entre les Bruins puis les Leafs n'est pas si énorme. Ça doit être très difficile de faire la transition au sein d'une équipe qui est de ta propre section. Division, donc, ça doit être assez complexe. Puis on le voit dans le cas de Caberlé, la sauce prend pas du tout à Boston. Et on expliquait les déboires de Caberlé depuis qu'il est à Boston à propos du fait que le système défensif des Bruins n'est pas le même type de système qu'à Toronto. Toronto, c'est un système homme à homme. Donc, tu regardes ton gars, tu suis ton gars, puis tu essaies de t'en départir quand tu veux faire un but. Alors qu'à Boston, c'est une défensive de zone. On bloque les accès à Tim Thomas. Semble-t-il que c'est difficile présentement pour Caberlé de s'habituer à ce genre de système, ce qui fait qu'il y a de la difficulté. Mais je vous dirais que en avantage numérique, c'est pas un succès présentement. Non. Et si on continue à bloquer les lignes de tir de Zdeno Chara, quand on continue à isoler le Zdeno Chara à la ligne bleue, le Canadien peut très bien remporter cette série-là. On s'en va une pause. Au retour, on parle basketball. Le temps avance pas à peu près. On a pris du retard. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. 89. Ah, c'est fou, vous avez. Il nous insulte. Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais, ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Tu spins, toi! Tu spins en crise, toi! Ton extrême de Foldex, tes chemises de la conquest, tes prédateurs, foutre en l'air, tes running trois couleurs, tes cheveux font un malheur, tes parents, tant pis! Si tu fais du break sur le tapis, tu spins, toi! Tu spins en crise, toi! Tu manges la légis, et tu spins, tu spins en crise, tu spins, toi! Tu spins en crise, toi! Tu manges la légis, et tu spins. enlevé un patin en plein match pour frapper un adversaire. Je suis le seul à l'avoir fait ça. Le conduit de partie. Rippé avec la chanson Spin. Elle spin pas mal le matin. Là. On espère que vous aimez notre émission. Nous autres, on l'aime pas mal le matin. Je trouve qu'on est... Ça va bien ce matin. On the coche, wow. Comme un non-anglophone dirait. On parle maintenant de basketball et pas de la NCAA. On y va pour la NBA. Ouais. C'est plutôt rare qu'on parle de la NBA. Donc, allons-y. Les séries éliminatoires, la saison vient de se terminer. Sans surprise, l'équipe la plus près d'ici... bon, il y a Boston, là, mais en tout cas, l'équipe la plus près d'ici, Toronto, ne fait pas les séries. Ça va pas très bien du côté de Toronto, année après année. On a le talent des Grizzlies, là, présentement. de Vancouver, là, bien sûr, oui, pas oui. De Memphis. Donc, les séries vont débuter demain. Le 16, là, bien sûr. Alors, je vous donne les confrontations qu'on va avoir droit. Dans l'association de l'Est, Chicago, les Bulls, qui ont terminé premier, vont affronter les Pacers de l'Indiana. C'est bien de voir les Bulls... en haut. Oui. Avoir une si belle saison, puis probablement traverser les Pacers. Là, je vois difficilement comment on pourrait perdre cette série-là du côté de Chicago. Exactement. Miami, le Heat, donc le Heat, qui n'a pas terminé premier dans l'Est, bien sûr, va affronter Philadelphie, classé 7e. Mm-hmm. Aussi, ça devrait être assez simple. Oui, aucune chance pour les Sixers de ce côté-là. Les Celtics vont affronter New York. Donc, les Celtics n'ont pas fini super loin de Miami avec seulement 2 victoires de différence entre Boston et le Heat. Ils vont affronter les Knicks. Les Knicks, bon, c'est jamais fait longtemps que ça n'a pas été super bon du côté des Knicks. Effectivement, mais du côté des Celtics, c'est peut-être pas la saison à laquelle on s'attendait. Probablement qu'on va être en mesure de traverser les Knicks, mais on se rendra assurément pas en finale comme on a fait l'an dernier. Quoi que d'un autre bord du basketball de série, c'est du basketball de série. Oui, hein? C'est le plus beau. Le, on va utiliser le cliché qu'on dit pour le hockey assez souvent. Et le Magic d'Orlando va affronter Atlanta. Dans l'Ouest, maintenant, les excellents Spurs de San Antonio qui ont réussi à obtenir le premier rang. Là, ils vont affronter les Grizzlies de Memphis. On a parlé de Vancouver, les anciens Grizzlies qui ont des couleurs pas mal plus belles que ceux et de Vancouver avaient. C'est la batte turquoise, mauve et or là, du côté des Grizzlies de Vancouver. Mmh. Il n'y avait pas de mauve, par contre. Oh, ah, il doit en avoir là, dans le reflet de l'œil. les couleurs à la mode en 95. Ça. Parlant de mauve, les Lakers, là, les mauves et jaunes, vont affronter les Hornets de la Nouvelle-Orléans. Les Lakers qui devraient aussi aisément traverser la Nouvelle-Orléans sur ce duel. On va maintenant parler aussi de Dallas, les Mavericks qui... On avait une fiche égale aux Lakers, mais qui, en fonction du différentiel, vont affronter Portland, eux qui sont classés 6e, les Trailblazers de Portland, et le dernier affrontement dans cette division, le Thunder d'Oklahoma City va affronter les Nuggets de Denver. Ce ne sera pas la plus grosse série à regarder, celle-là. Ça, c'est un peu comme si les Blue Jackets s'affrontaient les Prédateurs. Oui, c'est ça. C'est pas des gros marchés de basketball. On parlait des Lakers tantôt. Bon, ben, non, pas vrai. On parlait du Heat, plutôt, devrais-je dire. LeBron, qui a repris le sommet après plusieurs années, après de 2001, c'était en 2004 plutôt. Le sommet des chandails les plus vendus dans la NBA. LeBron qui a terminé premier. C'était la première fois qu'il terminait premier depuis 2004, alors que c'était son année recrue. Donc, bien sûr, le fait qu'il est rendu avec le Heat de Miami avec Dwayne Wade et Chris Bosh a fait que plusieurs, même si ça a fait, ça l'a mis beaucoup de monde en colère de voir les trois aller ensemble. Ça a l'air qu'il y en a qui ont apprécié parce que le chandail s'est pas mal vendu. Il fait probablement également partie maintenant là, des chandails qui ont le plus passé au bat là, du côté de Cleveland. Probablement plusieurs chandails qui ont été brûlés lors de cette annonce là. C'est compréhensible, tu vois, Cleveland a fini au classement cette année. Je sors ça dans deux petites secondes là, mais si je me trompe pas, c'est bon dernier là. Cleveland avec une fiche de 19 victoires, 63 défaites termine au dernier rang dans l'Est, au dernier rang. Non, pas vrai. Minnesota a terminé dernier. Donc, 19 victoires. Hey, Minnesota, c'est pire. C'est épouvantable. 17 victoires, une fiche de .207. Hey, t'en gagnes 2 sur 10, 1 sur 5. T'as même pas 20 victoires dans ton année. Non, non. Même pas de sens. C'est pas beaucoup. Déjà que je trouve qu'au hockey, pas 30 victoires, c'est pauvre. Au basket, pas 20, là. Ouais. Ouais. Ben, il y a le même nombre de matchs. Effectivement, mais généralement, c'est quand même un peu plus serré là, les écarts entre les pires et les moins bons là, du côté du basketball. Mais écoute, pas gagner 20 matchs dans ta saison, là, c'est difficile. C'est difficile pour les partisans qui ont été quand même choyés. Là, les années LeBron ont quand même été fastes pour un club qui n'a jamais connu une tonne de succès. Donc, on va s'ennuyer de ça pendant longtemps du côté de Cleveland. Le gars que LeBron a dépassé pour le vendre de chandail, c'est-à-dire celui qui en a vendu le plus de 2005 à 2010, c'est Kobe Bryant. Mr. Et, LA. Ben, Mr. LA a pas eu des bonnes nouvelles cette semaine. Kobe s'est échappé dans un match, frustré après avoir obtenu 4 fautes dans le troisième quart. S'est retourné vers l'officiel du match et lui a dit des propos homophobes. Sur le coup de l'émotion, là, du côté de Kobe, on a dit que regardez, c'était dans c'était de la frustration pendant le jeu. Ça avait pas de lien nécessairement. C'est quelque chose qui a sorti comme ça, sans avoir un lien nécessairement avec la communauté homosexuelle. Mais pour traduire un peu les propos qu'il a dit, vous avez juste à vous référer au livre de Jasmin Roy qui est sorti il y a quelques temps. C'est pas mal là, ce qui a été dit. Le titre du livre, c'est ce que Kobe a dit. Moi, je le dirai pas sur les ondes. Donc, on s'est excusé là du côté de Kobe, on s'est excusé. On s'est excusé, mais par contre, par la suite, on a t'en rappelles sur la décision de l'amende qu'il y a eu. Ben, je comprends, c'est une amende de 100 000 piastres. Ouais, mais on s'excuse. Moi, je dis qu'on doit accepter le. Pas nécessairement. Là, je suis présentement sur le site de la NBA, puis en plus, les Lakers viennent d'être mis à l'amende également là pour 75 000 $ ainsi que Phil Jackson, lui également 75 000 $ pour des propos que l'entraîneur aurait tenu à propos de collective bargaining. CBA? Exactement. C'est la convention collective? Ah, bon, ben exactement. Donc, en deux jours, les Lakers qui se font poivrer de 250 000. On va être obligé d'attendre pour les rénovations sur la villa à Malibu, là, du côté des Lakers, du côté de Kobe. En tout cas, quoi que 100 000 piastres, c'est quoi pour Kobe? C'est un bâton de popsicle. Je sais pas comment il fait par saison, Kobe, mais ça doit être entre 25 et 30 millions. Là. C'est le marché, qu'est-ce que tu veux? Ton train de vie vient avec le salaire, donc forcément, oui, c'est beaucoup d'argent, mais il y en a tout autant besoin de son 100 000 que nous autres, on a besoin de nos 10 piastres. Même si tu as 10 piastres, tu peux t'acheter... Exactement. Tu peux aller t'acheter un sous-marin au Subway avec ça. C'est un demi-plein. Demi-plein d'essence. Ouais, moi, c'est non, plus un quart de plein. Je vous rappelle ma voiture. Moi, OK, ouais. La Noce 2001. J'ai une protégée 2001, j'ai mis 64 piastres cette semaine. Tabarouette! Ouais, là. T'as-tu vérifié si c'était pas personne? Non, mais je me suis acheté un pick-up, c'est moins cher. Fait que. On s'en va en musique, on va aller écouter du Malajub, leur dernier album qui vient de sortir là, cette semaine, tout frais, tout chaud. La chanson, ça s'appelle Synesthésie, c'est la première du groupe, ils ont fait un clip avec ça. Je vous le dis, ceux qui sont habitués à Malajub, c'est un petit peu plus calme que ce qu'on peut entendre d'habitude pour cette tune-là. J'ai pas eu le temps d'écouter l'album, malheureusement, mais on y va, donc on espère que vous allez aimer. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Si vous voulez nous rejoindre à notre site, là, pas compliqué, inconduitedepartie.com. la rivière, le 16e. Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant superbe! C'est un, dans son cas, là, c'est un 5e consécutif. Un 7e pour l'équipe. Incroyable. Le conduit de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Et vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. On ricane en studio, toute bien sûr. Toute une performance en studio, messieurs. Ah. Écoute. Je pense que pour la dernière les émission... Les adeptes de Serge pour Bélis. La dernière émission, le 29 avril, je crois que pendant ce ID-là, je vais laisser les micros ouverts. Ouais. Vous allez nous entendre chanter là, pendant toute l'ID, la performance vocale de Serge Blumen. C'est de son coéquipier analyste, là, son collègue analyste, je ne sais pas exactement quel était son nom, là, c'est flou à ma quel mémoire. Quelconque être obscur. Ça peut, ouais. Tu ne peux qu'être dans l'ombre de Serge Blumen au mini-potter. Alors, il va avec des petites nouvelles là, avant la prochaine pause. Tout d'abord, le noyau d'équipe Canada a été... L'équipe, plusieurs joueurs d'équipe Canada ont été révélés pour le championnat du monde. Donc, bien sûr, on y va avec les gens qui n'ont pas fait les séries. On se garde une petite gêne quand même pour 3-4 joueurs de plus qui pourraient se joindre à l'équipe une fois la première ronde terminée. C'est sûr que ceux qui sont éliminés en 7 matchs, c'est plus difficile souvent, mais ceux qui sont éliminés en 5 matchs, là, ça laisse presque une semaine de plus. Donc, on a le temps d'y penser un peu et d'aller joindre. Donc, les joueurs, je les nomme en rafale. James Reimer, des Maple Leafs de Toronto. Hey, quelle première saison, Reimer. De rien, de tout à rien. Là. De rien à tout, plutôt. Devin Dubnyk à la défensive, Brent Burns, Mark Mettot, Dion Phaneuf. Oh, Phaneuf, quand même, un bon attitude. Ah non, il est quoi qui est moyen? Alex Pietrangelo. Il est pourri, Phaneuf. Il est moins pire comme Sarek. Luke Shen à l'attaque, Carl Clutterbuck, Matt Duchesne, Jordan Eberle. Donc, Monsieur Canada qui retourne avec l'unifolé. Ouais. Ça va être bon, ça. On va voir s'il peut continuer à faire ses miracles. Evander Kane, Andrew Ladd, Rick Nash, Jeff Skinner, Jason Spezza. Jeff Skinner, une autre... C'est jeune comme équipe. Hein? C'est jeune, c'est rapide. J'aime ça. Je trouve ça super intéressant comme je vais dire constitution d'équipe, là, même si c'est pas exactement le mot que je cherchais. Là. Mais non, je trouve ça vraiment très intéressant. On sent un vent de fraîcheur à la Gillette Mac 3. On sent le vent de fraîcheur. Il n'y a pas grand barbe dans cette équipe-là. Je continue avec les joueurs avant de donner mon opinion là-dessus. Jason Spezza, donc un petit peu plus d'expérience. Chris Stewart, John Tavares, Antoine Vermette, le seul Québécois, et Travis Zajac. Le vent de fraîcheur avec National, il a été entamé justement vers les années 2000. Ça se continue, puis là, on le voit dans cette formation-là. Écoute, la moyenne d'âge est à peu près de 24 ans, là, donc c'est vraiment pas vieux. Seul Québécois, Antoine Vermette, on a révélé que Stéphane Robida, Mike Ribeiro, José Théodore et Martin Brodeur ont tous refusé l'invitation d'équipe Canada. Donc, c'est pas qu'on veut pas là, du côté de l'équipe Canada. J'espère qu'on n'entendra pas les niaiseries qu'on peut entendre là-dessus à toutes les années. Du côté de la Ligue américaine, maintenant, les Bulldogs, c'est en séries éliminatoires. Ils affrontent les Barons d'Oklahoma City, le club école des Oilers d'Edmonton. Ils l'ont emporté 5-2 hier soir. Ils mènent leur série 1-0. Une deuxième tournade sur l'Oklahoma. OK, oui, c'est vrai. C'est la saison, là? Présentement, il y en a une, là. Là? J'ai vu ça, salut, bonjour, un matin. OK, c'est correct. Je m'attendais pas à un bulletin météo aussi détaillé que ça avec la météo d'Oklahoma. Écoute. Donc, deux tournades qui ont frappé. Par contre, le match était à Hamilton, donc c'est pas vraiment révélateur. Non, mais bon. C'est pas grave. Bien essayé. Non, mais sur l'équipe, là. Sur l'équipe, c'est bon. On va souhaiter le bien aux gens d'Oklahoma City, de l'Oklahoma. D'ailleurs, pour ce qui est de la Ligue américaine, on va essayer de moins fatiguer les joueurs en saison. Le calendrier va être réduit de 4 matchs, donc de 80 à 76. On va aussi jouer une semaine de plus, ce qui va faire qu'on va pouvoir étendre les matchs, le nombre de semaines et le nombre de matchs, de façon à ce qu'on ait plus des 4 matchs en 5 jours du côté de la Ligue américaine de hockey. Et je comprends, 4 matchs en 5 jours avec le voyagement en autobus, pas d'hôtel ou un hôtel miteux avec des odeurs douteuses, c'est pas tout à fait facile pour ces joueurs-là. La différence de qualité, la différence de confort entre la Ligue américaine puis le Big Show en haut là, quand t'es dans la Ligue nationale, c'est assez majeur. Merci. Formule 1, avant d'aller à la pause, Formule 1, petite nouvelle, on est en Chine ce matin, le Grand Prix de Chine à Shanghai, et c'est Sébastien Vettel qui a dominé les essais. Qui d'autre, bien sûr? Survol, le gars, le championnat jusqu'à présent. Non. Vettel vraiment a terminé l'an dernier en force, évidemment, a remporté le championnat. Mais cette année, ça se poursuit. Et il est magnifique à voir aller. Tu veux savoir la différence entre... C'est sûr que c'est des essais, ça vaut ce que ça vaut. Donc, je vais donner les temps. A dominé la première séance d'essais, mais pour la deuxième séance d'essais, Vettel a un temps de 1:37.688. En deuxième position, c'est Lewis Hamilton, Jenson Button, Nico Rosberg, Michael Schumacher, Felipe Massa. Mark Webber vient plus loin là, au classement, mais voyez-vous, le matin, a été deuxième classement. Donc, c'est les essais. La course qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche. Ceux qui veulent faire un Canadien, suivre le double header sur moi, là, CBC. Moi, je vous le conseille fortement. Bon, moi, je le fais pas sur CBC, mais sur RDS, là, c'est Pierre Houde qui est à l'analyse des deux. C'est très intéressant. C'est vraiment le fun de suivre. Ben, là, ça ne sera pas, là. Ben, étant donné les Canadiens. Le match est à Boston, ça ne sera pas Pierre Houde en fin de semaine. Ça va être probablement... Ça devrait être Yannick Bouchard. Non, pas Yannick Bouchard, son Frédéric Plante. Son chummy, mais c'est ça. Frédéric Plante. Effectivement, oui, t'as raison. Pierre Houde est à Boston, donc pourra pas couvrir. Ouais. Mais bon, lorsque ça se produit, moi j'adore. J'adore vraiment faire ça. Puis c'est bon, on ne peut le faire qu'au printemps. Parce qu'après ça, là, les grands prix se rapprochent un peu de nous là en termes d'heures, mais c'est vraiment matinée, ouais exactement, mais c'est vraiment super agréable, une bonne petite de toute façon, rien que le départ qu'on regarde, puis après ça tu vas te coucher, puis tu regardes la fin de la course le lendemain matin. Non, moi j'adore cette petite séquence là des deux, les deux donc, un à la suite de l'autre. Donc les gens qui vont vouloir faire ce que j'appelle le double header, donc le match à 7h, le match à 10h, puis ensuite le Grand Prix. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre chaise avec un peu de popcorn, une petite froide. Mettez-vous confortable et amusez-vous. En parlant de s'amuser, vous pouvez visiter l'inconduitdeparti.com, mon ami Nathier. Vous pouvez réécouter l'émission. Hier, je te niaise pas, là, j'ai plugué mon émission dans à peu près 3 émissions autres que la mienne, dans C'est fou, donc... Je suis fort sur la plug présentement, là, mais c'est pas grave. Écoute, je te mets au défi d'aller sur le forum d'une grosse émission puis aller plugger l'inconduite de partie. Ben, tu t'appelles... Je te vois bien là dans le public, à tout le monde en parle, te lever à un certain moment puis crier « L'inconduite de partie! » Avec une pancarte. Dans les lignes ouvertes, ça peut se faire. Ben oui, sans problème, effectivement. Ça, c'est plus aisément, mais je pense que ce serait une question de respect aussi. J'aurais pas beaucoup Ron appelle ici puis il me parle des amateurs de sport. Écoute, monsieur. Bon, on s'en va une pause. C'est magnifique, il y a que Ron qui peut faire ça pendant longtemps. On le fait, nous autres, c'est plate. C'est plate. Ron, c'est drôle. Donc, on s'en va une pause, et au retour, on parle de baseball, JP Grenier, JP, joue à nous de Sherbrooke, Sherbrooke, alors baseball après la pause, vous écoutez les conduits de partie sur les ondes de C'est fou! C'est fou, vos oreilles. 89, 1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitdeparti.com. Chroniques, opinions et beaucoup plus. Ici Marc-Antoine Lavoie. Tout d'abord, au hockey de la Ligue nationale, c'était le premier match de la série opposant le Canadien aux Bruins de Boston hier soir. Grâce à 2 buts de Brian Gionta et une performance parfaite de Carey Price, le tricolore est allé chercher la première rencontre par la marque de 2-0. À Philadelphie, Ryan Miller signe son deuxième jeu blanc en carrière en série éliminatoire pour faire taire l'attaque des Flyers et aider les Sabres à gagner le premier match de la série par la marque de 1-0. Et à San Jose, on a dû se rendre jusqu'en prolongation pour voir Joe Pavelski donner la victoire aux Sharks par la marque de 3-2 sur les Kings de Los Angeles. Du côté de la Ligue américaine, maintenant, les Bulldogs prennent le devant 1-0 dans la série des opposant au Baron d'Oklahoma. Grâce à une convaincante victoire de 5-2, Nigel Dawes et Olivier Fortier ont tous deux touché la cible dans la victoire. Au tennis, Milos Raonic a vu son parcours du Master de Monte Carlo prendre fin alors qu'ils affrontaient David Ferrer en troisième tour. Il a fallu 2 manches 6-1 et 6-3 à l'Espagnol pour éliminer le Canadien. Au football de la Ligue canadienne, le football de la Ligue canadienne a modifié 4 règlements pour la saison 2011. Ces changements prévoient l'augmentation des pouvoirs de révision du juge vidéo, l'élimination des blocs sous la ceinture après une passe complétée, des modifications aux options offertes après un botté de dégâts qui quitte le terrain et des précisions concernant la participation illégale. On pourrait aussi voir des changements dans la façon de faire au baseball de la Ligue majeure pour la saison 2012. La Ligue pense à utiliser les reprises vidéo de manière à ce que les balles coincées au sol, lors de tentatives d'attraper et les balles frappées le long des lignes puissent être visées. Finalement, je vous le rappelle, les Cataractes de Shawinigan seront en action ce soir à l'occasion du 5e match de la série des opposants au Rempart de Québec. Shawinigan tire de l'arrière 3-1 dans la série et feront face à l'élimination ce soir. Voilà, c'était nos informations de lesconduitsdeparti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. C'était les Foo Fighters avec la chanson Bridge Burning. Tu sais, Foo Fighters, c'est un des groupes que j'aime le plus et que la personne qui va joindre à nous pour parler de baseball, JP Grenier, on adore, on les a vus en spectacle. Et, ben, gars, attends, JP? Oui? Ah oui, on parle de ça, là. Alors, j'ai tout à la peur avec les groupes que j'aime qui deviennent plus soft. C'est tout à la peur que j'ai pour plusieurs groupes. Et là, Foo Fighters, leur dernier album était un peu plus soft que ce qu'on avait eu droit avant. Et force est de, à date, là, dans ce que j'ai écouté du dernier album, Rope est un peu plus calme, la première, le single radio, mais Bridge Burning, là, qui ont joué au Daily Show du côté américain, du côté de Comedy Network. Comedy Central aux États-Unis, puis au Canada, c'est Comedy Network, je crois, est très, très bonne. Ça rock pas mal, donc on regarde les spectacles, on vous tiendra au courant s'ils viennent dans les coins. Je sais pas, JP, t'as-tu... Ben écoute, moi je suis ça attentivement, j'avais tellement adoré leur spectacle live que, écoute, je veux absolument aller les revoir, là, si vous avez la chance, si vous aimez le hard rock, écoute, que vous soyez des nostalgiques de Nirvana ou n'importe quoi, allez voir ce show-là, là, Dave Grohl, le chanteur, qui est l'ancien batteur de Nirvana, pour ceux qui ne sauraient pas, compte plein d'anecdotes, puis tellement un gars de party... vraiment, là, m'a vraiment impressionnant en vrai, puis j'ai trippé, je pense qu'on avait passé une méchante belle soirée. Ouais, on avait eu du plaisir quand on avait voir. En plus, c'était à Saint-Patrick, là, donc... Oui, on avait été s'asseoir dans des Irish pubs à Montréal, et on avait eu l'air un peu out of place, qu'on pourrait dire, à l'anglaise. On n'était pas tout à fait à notre place. Un éléphant dans un jeu de quilles. Ça ressemblait pas mal à ça. Non, mais j'ai regardé, puis ils s'en vont en Europe, là, dans pas très long, là, à partir du mois de juin. Donc, on les reverra peut-être... mais c'est la saison des festivals, hein, en Europe, fait que... c'est là que c'est très payant, donc les groupes s'en vont du côté européen, du côté l'autre bord de l'Atlantique. JP? Yes. On parle baseball? Oui. Qu'est-ce qu'on a eu droit là, cette semaine, à part les Red Sox de Boston, qui sont, ma foi, pas très bons? Écoute, les Red Sox, qui en arrache. Hein? Je sais pas ce qui se passe. C'est incroyable. Écoute, 2-9, on joue ce soir contre Cleveland. Est-ce qu'on va essayer de remonter la pente, je sais, ben, c'est sûr que oui, c'est sûr que c'est un début de saison, sauf que c'est des victoires que t'as pas qu'en fin de saison, ça fait mal. Contrairement aux autres équipes de la division, là, les Yankees qui gagnent. Donc, je sais pas. Je sais pas vraiment ce qui marche pas. Les lanceurs, lance pas aussi avec aplomb qu'on voudrait. Donc, l'attaque qui marche pas. Là, on vient de faire signer un contrat à Gonzalez, 154 millions pour 7 ans. Donc, écoute, pas un mauvais début de saison, sauf qu'il va vraiment falloir que l'équipe se relève, là. Oui, puis c'est étonnant. Je compare mes prédictions de début de l'année. Cleveland, qu'est-ce que c'est 8-4, Cleveland? Ben écoute, la centrale là est vraiment surprenante parce que t'as Kansas City puis Cleveland qui sont les deux premières équipes alors qu'on les mettait pratiquement tous avant-dernier et dernier. T'as des équipes comme Détroit, Minnesota qui sont dans le fond, là, donc c'est vraiment weird à ce niveau-là. Moi, je trouve ça cool quand même, sauf que est-ce que ces équipes-là vont être capables de tenir la cadence? C'est pas deux équipes parmi les plus jeunes de la ligue, donc est-ce que ce serait un feu de paille? Peut-être, on va attendre de voir. De toute façon, actuellement, après la pause du match des étoiles, t'as une bonne idée là, des équipes qui vont potentiellement s'affronter en série. Sinon, dans l'Ouest, là, pas de surprise, les Rangers, Texas sont très dominants, là. Suivi des Angels de Los Angeles, sont à 7 victoires, 5 défaites. On attendait un petit peu plus d'Oakland à 6-7. Non, mais écoute, c'est une équipe qui grandit encore. Encore hier, j'ai écouté hier soir en faisant mes travaux la game contre les Tigers de Détroit. Puis, écoute, c'était 0-0 en 7e. La relève est arrivée après un excellent départ de leur lanceur Gonzalez. Donc, écoute, la relève qui a fait un mauvais boulot, mais écoute, là, les deux lanceurs qu'ils ont utilisés avaient 23 et 26 ans, là, donc c'est quand même pas si dramatique que ça. Là. Donc les Aces, non, d'après moi, vont jouer 500 là, cette année avec l'équipe qu'ils ont. Là. Je m'attendais à plus, mais malheureusement, les Rangers sont beaucoup trop forts. Là. Quel début de saison! Des gars comme Ian Kinsler, même encore Hamilton cette année est très fort. Mais là, donc, on a perdu Hamilton pour un petit bout, là. Ouais, je sais, mais écoute, ils ont assez de profondeur à ce niveau-là. Écoute, t'as un gars comme Michael Young, qui est selon moi un des meilleurs frappeurs les plus sous-estimés. Il est frappeur désigné, puis il peut encore faire le travail soit au troisième but, soit à l'arrêt court. Mais écoute, on a des gars comme Elvis Andrus, qui est, d'après moi, le meilleur arrêt court défensif de la Ligue, en plus d'avoir un bon bâton. Donc, les Rangers sont en voiture. Faisant le Josh Hamilton, là, sa blessure, parce que c'est quand même pas rien, là. Étant furie là après son entraîneur là, au troisième but parce que c'est l'entraîneur qui l'a envoyé puis lui Hamilton se dit dans sa tête je veux pas y aller c'est sûr que je vais arriver je vais me faire retirer finalement elle plonge on parlait d'une dislocation de l'épaule mais là on parle ensuite d'une fracture plutôt du bras dans le haut du bras là, bien sûr fracture du bras c'est large tout ce qui est fracture d'ailleurs est large là, comme une fracture du cou dans le cas de Max Pacioretty pour revenir un petit peu à ça fracture du cou ça peut être autant bon ce qu'il y a eu une bonne commotion puis t'as le cou un peu poigné comme ça peut être la mort donc c'est très large là comme risque de comme répercussion c'est très large comme terme c'est pas un peu chialé du côté d'Hamilton là, d'arriver puis chialer après son entraîneur pour parce que ça tentait pas d'y aller je veux dire si il y a eu un jeu au map c'est que c'était pas si pire que ça ben écoute là les Rangers l'ont mis sur la liste des 15 jours ça veut dire que il est comme un peu day to day qu'on appelle dans le langage de hockey là ça sent moins sérieux qu'on le pensait. Sinon, il l'aurait mis sur la liste des 40 jours, mais quand même, moi, j'ai toujours eu de la misère avec les joueurs qui, surtout au marbre, plongeaient. Écoute, le risque de blessure est à peu près x10, là, autant au niveau de la tête que des épaules, des bras. Donc, j'ai toujours préconisé un style de plus de en glissant par les pieds, là, en slidant. Donc, à part au deuxième but, quand tu voles un but, t'as pas ben le choix. Il faut aller chercher le plus loin avec ton bras que tu peux. Sauf que, écoute, au marbre, il y a tellement de contacts, surtout à ce niveau-là. Je sais que dans les ligues mineures, on demande absolument de slider. Mais écoute, les catchers sont pas... ils ont de l'expérience, ces gars-là. Là. Ils vont bloquer le marbre. Puis, ça a pas été mais plus fort de sa part de glisser de l'avant comme ça. Donc, il y a quand même sa part de tort. Sauf que l'entraîneur... écoute, lui aussi, peut-être qu'il a son tort. J'ai pas exactement vu la séquence. Okay. Sauf que si l'entraîneur a décidé d'y aller, c'est que c'était, comme tu l'as dit, c'était pas une si mauvaise décision que ça. Là. Il avait possible de marquer un point. Donc, On est... ça aurait peut-être dû rester à l'interne comme histoire, disons-le. Exactement. Comme ça. Ça me rappelle Milton Bradley quand il s'était engueulé puis chicané avec son entraîneur puis finalement c'était cassé. C'était viré du genou, là. Exactement. Et le ligament antérieur croisé du genou, donc. Tellement niaisé. On montrait la semaine dernière, je pense, c'est sur les ondes de TSN, là, le top 3 ou le top 5 des conflits entre coach et joueur, justement. Puis on avait vu Lou Piniella aussi, là, qui avait... Enguirlandé. Il avait étranglé son joueur dans la chambre. J'étais comme, mais voyons donc, comment est-ce que tu veux rentrer dans le vestiaire après ça? Y avait-tu Matt Sundin puis Pierre Pagé? Non, mais c'est... ça en était une belle. Mais ça, c'était pas une engueulade, hein, c'était un monologue. C'était à sens unique. Mon pauvre Matt Sundin, frais arrivé dans la Ligue nationale, qui se fait vraiment là. Varlopé. Oh oui, puis franchement, vraiment très bien là. On se souvient ce qui s'était passé dans cette série là, Canadien qui l'avait emporté contre les Nordiques. JP, à part de ça, dans la Ligue nationale, on va aller vers la nationale, là. Philadelphie, ben sans trop de surprise, 9-3, le départ qu'on s'attendait d'eux. Exactement. On a une équipe, les Marlins de la Floride. Très bon début de saison. Je m'attendais plus à voir les Braves d'Atlanta, là. 7-5, une équipe qui est très jeune aussi, là. Eux, ça s'annonce bien, là. On sait qu'ils s'en vont dans un nouveau stade l'an prochain. Ils vont changer de nom également, donc... C'est vraiment une jeune équipe qui est en train de prendre forme, une nouvelle identité. Là. Pour ce qui est de changer de nom, je pense qu'on peut l'expliquer. On va devenir les Marlins de Miami et non plus les Marlins de la Floride. Ce qui n'est pas une mauvaise décision, parce qu'on sait à Miami, le sentiment d'appartenance envers la ville est quand même fort. Et là, bon, il n'y avait pas d'équipe dans le temps à Tampa Bay, il y en a une, donc tu n'es plus nécessairement l'équipe de la Floride. La Floride, au même titre, les Rangers du Texas devraient être les Rangers de Dallas ou d'Arlington, là, si on veut. Là. Donc, on va s'aller. Et le nouveau stade spécial, hein, sa configuration. Le toit qui est... Tu sais, la plupart des stades, c'est un toit qui va se tasser, mais il reste dans l'enceinte du toit. Tandis que celui des Marlins, le toit se tasse sur des rails qui sont comme en haut de l'entrée. Il y a des gigantesques poteaux qui vont venir retenir l'autre côté des rails. Là. Imaginez une traque de chemin de fer, mais dans le vide, avec les poteaux qui attiennent, un pont, là, si on veut. Et ça va être ouvert à temps plein, sauf qu'il pleut, pour donner de l'ombre, parce que l'été, il fait extrêmement chaud à Miami. Donc, cette partie-là va être ombragée pour les gens à être plus confortables. À défaut, parce qu'on le sait, là, du côté des Marlins, du côté de la Floride, on n'avait pas un moyen de construire un stade à la Cowboys de Dallas. Donc, on y a été dans la façon un petit peu plus cheap. Au lieu d'avoir les gens à l'intérieur, les gens vont être à l'extérieur. Mais au moins, on a trouvé un moyen de rendre les gens confortables. Et on va fermer le toit, bien sûr, lors des saisons d'ouragan et peut-être lorsqu'il va faire chaud. Exactement. Puis, on veut vraiment, là, de plus en plus... Je sais que c'est la même administration, sauf qu'on veut quand même se distancer des années, des mauvaises années suite au dernier championnat de la série mondiale. Donc, écoute, l'équipe qui a tellement des bons joueurs, là, Josh Johnson, selon Anthony Ramirez, selon moi, un des meilleurs joueurs de la ligue en bas de 25 ans. Donc, les Marlins sont surprenants cette année, encore là. C'est pas une équipe avec tellement de la profondeur au niveau des lanceurs. On sait qu'en fin de saison, ça va faire mal. Avec les vieilles épaules, avec les vieux coudes, là. Donc, non, les Marlins sont surprenants. Puis, une équipe qui me déçoit, les Cards de Saint-Louis sont seulement 500. Je m'attendais à mieux de leur part. Donc, voilà. Mais les Reds, qui eux, continuent sur leur lancée de la saison dernière. Oui, sans nécessairement l'apport offensif de Joey Votto, lui qui est excellent encore. Ouais. Sauf que l'an passé, l'équipe, dans le fond, était bonne à cause de lui. Cette année, c'est différent, puis c'est le fun à voir. Je sais pas, Nicolas, si tu voulais parler un peu de Barry Bonds avant. Ouais, ben c'est ça, là. En terminant, je m'en dis les Rockies aussi qui connaissent beaucoup de succès. 10-2, c'est la meilleure fiche là, dans les majeures présentement. Il devant San Francisco qui, eux, jouent pour 500. Parlons-en de Barry Bonds qui a été reconnu coupable de... Sentir bien, là, Barry Bonds, là, a été reconnu coupable d'obstruction à la justice. C'est-à-dire qu'il y a une question où il n'avait pas répondu clairement. J'essaie de trouver la citation. Il avait répondu la chose suivante. Ben, en tout cas, ce qu'il avait dit, c'est qu'on lui a demandé « Est-ce que tu as déjà pris des stéroïdes? » Et Barry Bonds avait répondu « Je suis devenu un enfant... » OK. « I became a celebrity child with a famous father. » Donc, « Je suis devenu un enfant célèbre avec l'aide d'un père connu. » Un père fameux, un père connu, ouais, c'est ça. C'était comme dire un peu, gars, si j'ai été bon de même, c'est que j'ai eu de l'aide extérieure. Mais on l'a pas confirmé parce que ça l'aurait impliqué, ça aurait dit bon qu'il est coupable, qu'il a consommé ça alors qu'il avait dit non. Donc on a été reconnu coupable de ça, mais pour le reste, c'est-à-dire est-ce qu'il s'est déjà piqué avec une seringue, c'est-à-dire stéroïde, est-ce qu'il s'est déjà piqué au HGH, là? C'est comme ça qu'on appelle ça en français, JP, je sais pas. Les produits de... Dopant, là, les... Ouais, j'ai pas le terme. Ouais, moi non plus. En tout cas, on dit dans l'article, j'ai malheureusement seulement l'article en anglais, j'essaie de trouver en français, mais on parle de stéroïdes... Anabolisant, HGH. Donc, on l'a pas reconnu coupable, c'est-à-dire que les décisions n'étaient pas unanimes. Et c'était en faveur de Bonds. Donc, il s'en tire très bien, Barry Bonds. Mais sa carrière, mais son image est ruinée pour le reste de sa vie, là, en tant qu'à moi. Penses-tu qu'il y a des chances d'atteindre le temple de la renommée? Un jour ou l'autre, tous ces gars-là vont atteindre le temple de la renommée. Je parle de Maguire, par exemple. C'est sûr que lui, il l'a avoué qu'il en a pris. Est-ce que Barry va faire pareil? Connaissant le bonhomme, je pense qu'il s'en sacre un peu d'être là ou non. Ouais. C'est pour garder. Quand tu penses que son oncle, c'est Willie Mays, son parrain, c'est Willie Mays, qui est vraiment un des plus grands athlètes de ce sport-là, un des athlètes les plus purs, ça fait mal, là. Oui, ça fait mal, puis c'est l'image au complet là, de la Ligue majeure là-dessus qui est pas très, très beau. Depuis quelques années, on s'était sorti du moule des athlètes dopés. De plus en plus, on reprenait l'essence du sport qui était beaucoup... axé sur les performances naturelles des joueurs. Ouais. C'est plate que ça revienne encore une fois, sauf que je pense qu'on a encore à avoir pour une couple d'années des histoires comme ça qui sortent. Là. Et des gars comme Canseco qui sort des livres à tous les deux ans là-dessus, c'est sûr que ça l'aide pas non plus. Puis oser, tu sais, le pire, c'est qu'il a raison. Là. Tu veux dire? Donc, ben écoute, ce qu'il dit dans le livre, c'est pas mal tout vrai. Là. J'ai lu un extrait de son premier, dans le fond, qui m'intéressait, puis... c'est incroyable les histoires qui sortent de médecins de l'équipe qui réussissent par la porte d'en arrière là, à l'aide de spectateurs même là, d'avoir des produits dopants là. Donc écoute, c'est assez incroyable, puis c'est pas mal le seul qui le dit, mais écoute, il y en a des milliers là, des histoires comme ça. Ah ouais. Tout ce qu'on saura jamais là à propos de ça, ça va rester dans les catacombes du baseball majeur pour encore quelques années. Exactement. En finissant, je voulais juste mentionner aujourd'hui, le 15 avril, c'est la journée de Jackie Robinson. Donc, tous les joueurs de la Ligue porteront le numéro 42 ce soir. Wow. D'accord. Ben, merci beaucoup, JP. All right. Bonne fin de semaine. Salut. Donc, on se laisse en musique. On y va avec Soviet Cosmonaut, parce que ça fait 50 ans que Yuri Gagarin a atteint l'espace cette semaine. C'est le festival du concept. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine et au revoir. Salut. Soviet cosmonaute, j'habite les étoiles. Ma vie n'est pas comme celle des autres. Je veux tout dessus.